Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast officiel des cahiers du catch qui résume et analyse les shows de la WWE. Et pour cet épisode spécial, nous allons couvrir le Royal Rumble 2017. Je suis Giscal et je suis accompagné de presque toute la joyeuse troupe de Catch Up en vidéo, s'il vous plaît. Écoutez, bonjour à tous, bonjour Ringside. Salut. Bonjour l'amiral Armbar. Salut. Bonjour à Raphaël. Salut, je vous fais coucou, mais ma cam n'arrive pas à fonctionner. Pour mais... l'instant, elle c'est pas, seule, c'est pas sa cam, la cam. Ouais. Je suis le Sin Cara du groupe, on va dire. C'est ça, exactement. J'ai pas de visage. Et puis, bonjour à mon compagnon sur le A-Show, Irem. Bonjour, compagnon. Bonjour, Giscal. Salut à tous. Bon alors, pour ce Rumble, donc épisode un peu, c'est plus vraiment des hors-séries maintenant, parce qu'on en fait quasiment à tous les pay-per-view, mais épisode spécial hein, pour ce Rumble exceptionnel, Rumble du 29 janvier 2017 dans la fantastique arène de l'Alamo Dome de San Antonio au Texas, à la capacité assez incroyable de 60 000 personnes, hein, et la WWE l'a presque remplie 80 000 dimanche soir. Hein. Ils ont mis 80 000 max. Ah, ouais, c'est bon. La WWE, ils sont forts. Ah, ils aiment bien. Et puis, everything is bigger in Texas, hein, ils n'ont pas arrêté de le répéter. Donc voilà, ils l'ont presque rempli. 52 202 spectateurs d'après les compteurs officiels. Donc une grosse ambiance, une grosse foule, une grosse salle, un gros décor, une belle carte. Tous les ingrédients étaient réunis dimanche pour un gros pay-per-view. On va voir tout ça tous ensemble. On va voir ce que vous avez pensé de tous ces matchs et de ce Rumble. Alors, on va commencer rapidement par un petit tour d'horizon du pré-show. Mais comme on a beaucoup de choses à couvrir après, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter les principales choses à retenir du pré-show. Et puis chacun pourra aller de son commentaire d'ensemble un peu sur les trois matchs qui ont eu lieu lors de ces 2 heures de pré-show. 2 heures de pré-show, donc c'était quand même, il y avait beaucoup de catch à regarder. Donc il y a eu 3 matchs. Déjà, je vous donne les résultats pour ceux qui auraient zappé le pré-show. Donc Naomi, Becky Lynch et Nikki Bella ont battu Alexa Bliss, Natalia et Mickie James en 9 minutes 45 sur un tombé de Naomi sur la championne Alexa Bliss sur une sorte de Starship Pain un peu à la John Morrison. Gallows et Anderson sont nos nouveaux champions tag team de Raw après avoir battu Sheamus et Cesaro à la plus grande joie de l'amiral manifestement, battu en 10 minutes 30 sur un roll-up de Anderson sur Cesaro en lui tenant le slibar, un puissant roll-up. Les deux arbitres n'auront donc servi à rien. Et Sasha Banks qui s'est fait massacrer par Nia Jax en à peine 5 minutes avec, in fine, un pop-up Samoan Slam du plus bel effet sur la pauvre Sasha Banks. Mais sinon, le pré-show, sachez que c'était aussi Jericho qui s'est comparé à une very sexy Nebula. Floated in, man. Une promo de HBK en fin de pré-show hein, qui est donc venu un peu dans le ring pour hyper la foule. On a aussi le pré-show, c'était aussi une annonce qui n'avait rien à faire là à part pourrir l'ambiance puisqu'on nous a annoncé que Stéphanie confronterait Seth Rollins dans le ring le lendemain à Raw et qu'il serait banni du ring, il serait banni du stade toute la soirée du Rumble. Et puis on avait aussi une autre annonce puisque cette année, le Rumble, les participants entreront toutes les 2 minutes au lieu de l'habituel écart de 1 minute 30 sur les derniers exercices. Ah, ce que j'ai cru lire, voilà. Ouais, mais comme on le verra, les buzz n'ont pas retenti, franchement, ouais. Au bout de 2 minutes. Hein, c'était bon, feature. On a mis le chrono. Donc voilà tout ce qui s'est passé dans ce pré-show. Alors, je vous laisse maintenant un petit peu la parole pour ce sorte de mini Jobber's World, un petit peu. On va commencer par l'amiral. Ce que tu as pensé de ce pré-show? Alors, beaucoup de blabla hein, sur ce pré-show et peu de matchs. On va centrer sur les matchs. Donc, le tag team match féminin de SmackDown, c'était là pour leur faire faire un truc, en fait. Hein. Il n'y avait pas vraiment de raison, finalement. La seule chose à retenir, c'est qu'effectivement, ça confirme le fait que Naomi, certainement, va être en lice pour défier Alexa Bliss pour le championnat. Le truc que je retiendrai, c'est aussi Mickey James, sa costumière ou son costumier, je ne sais pas ce qu'il prend comme drogue, mais faut il faut qu'il l'arrête. Ça ne marche pas, c'est censé être une heel. Son costume, ce n'est pas un costume de heel. Sa musique, ce n'est pas une musique de heel. Et la promo de heel qu'elle a fait la semaine dernière à SmackDown était vraiment pourrie, donc pas terrible. Tranquille sur SmackDown. Hein. Oui. Ouais, tranquille, zen. Hein. Non, je dis juste Mickie James. Le tag team championship d'Euro, eh bien, Gallows Anderson qui logiquement, effectivement, remporte les ceintures. Hein, ça, c'est évident, puisqu'il y a Sheamus et Cesaro qui sont sur le Rumble match. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il la perde. Et ils l'ont perdu. Alors, la gimmick des deux arbitres n'a servi à rien. Il y en a un qui s'est mangé un broad kick très rapidement par Sheamus. Donc, on s'est retrouvé avec un arbitre. OK. Donc, à voir ce qu'ils vont en faire, mais content de voir le club enfin avec les ceintures depuis leur arrivée, quasiment un an. Hein, enfin. Ouais. Finally. Ouais. Et Banks contre Jax, là aussi, logique. Hein, Nia Jax qui pète la tronche, la pulvérise Sasha Banks, car elle est blessée, car Nia Jax est un monstre. Donc, forcément, là aussi, pour continuer la rivalité, il fallait que Jax massacre Banks. C'est ça. Voilà. Et puis bah ouais, tu l'as dit, hein, les arbitres un peu pourris. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'a plu, toi, Raphaël, qui est souvent à gueuler sur l'incompétence des arbitres. Là, finalement, deux, ça n'aura pas suffi non plus. Je bah vois ce que tu as pensé. Il y a eu quelques petites secondes où on s'est dit, mais c'est vachement bien finalement d'avoir deux arbitres, notamment quand ils ont empêché Luke Gallows de taper pendant que le premier arbitre avait le dos tourné. Vous savez, ce grand classique des méchants du casse sont tag team, il y en a l'arbitre a le dos tourné, et ben, il y a le petit arbitre qui était sur la bord du ring qui l'a empêché d'intervenir, donc c'était tout c'est à vrai, fait logique. Vrai. Après, sinon, oui, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu le broad kick, moi je m'attendais à ce que ça parte sur le coup classique, genre le deuxième arbitre finit par faire le tomber, puis celui d'avant se réveille et annule par disqualification ou quoi. Non, finalement, effectivement, ça a servi à pas grand-chose, à part à légitimer la victoire de Gallows et Anderson, dont personnellement je ne m'attendais pas, mais dont je suis plutôt content, effectivement. Bon, et ringside, mon cher ringside. J'ai rien compris au match tag team, mais je sais plus, je skypais avec Raphaël, je crois, à ce moment-là. J'ai tourné la tête et puis le match était fini. C'était Gallows et Anderson qui avaient la ceinture. Je dis, ah, putain, intéressant. Il s'en passe des choses quand moi, on tiens, la tête. Bah, ça alors. Ouais, vraiment, ça n'a pas eu d'impact quoi. J'avais dit que ce serait peut-être le show stealer de la soirée, mais en fait, je me suis bien trompé. Ah, hein. C'était présomptueux ça. Bah oui, des fois. C'était la grosse. Des éclairs qui sont à côté de la plate. Hein, c'est pas... Et ouais, puis rapidement sur le reste, j'ai trouvé que Naomi, elle avait bien fait le job dans ce petit match d'entrée quand même. Assez impressionnante là sur les deux trois mouvements qu'elle a sortis. Après c'est sûr que c'est assez anecdotique le match. Et puis Nia Jax contre Sasha Banks, c'est moi je suis complètement marque de Sasha Banks, donc c'est vraiment c'était vraiment trop court pour moi. Même si c'était plutôt joliment exécuté, mais vraiment trop court. Et je dirais juste que le plus fort quand même c'est Shawn Michaels hein, qui met le feu au public mieux que trois matchs d'affilée. Oui, c'est un peu ça voilà, au final. Donner le son à tout le monde, voilà, il fait bien fait, même s'il avait rien à raconter, il a sa quand simple même, présence. Voilà, il était chez lui en même temps. Il jouait à domicile au Texas. Bien Belleville, San Antonio visiblement. Oui. Ah, bon. Ça. Et mon cher Yarem, pour conclure. Écoute, rien qui n'a déjà été dit par mes collègues, si ce n'est que je suis très content de la victoire de Gallows et Anderson. Un peu moins de la manière, j'aurais aimé une victoire autre chose qu'un roll-up, mais bon. En tout cas, là, on confirme avec tous ces matchs-là de pré-show les nouvelles histoires qui se lancent ou qui sont en train de se lancer, que ce soit des first contenders avec Naomi qui a tendance à battre. Alexa Bliss dès qu'il n'y a pas un title shot en jeu, donc enfin je veux dire dès que le match n'est pas pour la ceinture, donc impatient de voir ça une fois que la ceinture sera en jeu. Non, c'était une façon agréable de commencer. On pouvait manger des chips en même temps et voilà. Oui voilà, c'était pas trop difficile à regarder. Un très bon starter, voilà. C'était agréable, c'était un pré-show quand même assez agréable et qui était plutôt bien foutu. Et puis bon, il va falloir s'y habituer à ces pré-shows de 2 heures, parce que je pense qu'on aura un rebelote dans 3 mois pour Mania, donc il va falloir les encaisser. Hein, c'est finalement 6 heures de catch quasiment de suite là. Donc, alors que Ringside va s'abreuver, Ouais. Ah bah il s'est placé directement à côté Ah, c'est ça, du frigo. tout simplement. Pas... Ouais, Il c'est a ça, les appartements. J'avais pensé mettre un fût comme ça qui coule, mais Ah bah c'est pas mal. Alors, bah, une girafe la prochaine on fois. Dirait un appartement ça, on dirait un appartement parisien, Ringside. Oui. Ouais. Voilà. Bah, écoute. Dis... proche toute commodité. Bon allez, on va enchaîner. On va enchaîner sur le show principal. C'est parti. Les pyros, les feux d'artifice, les fumigènes retentissent. Le rumble commence et commence sur un opener finalement. En même temps, j'allais dire original, mais à regarder la carte, je ne savais pas trop ce qu'ils auraient pu mettre d'autre. Mais ce sont les filles qui vont ouvrir le bal avec donc Charlotte contre Bayley pour le titre féminin, donc en opener de ce Rumble. Alors, je vais reprendre, puisque encore une fois, on a beaucoup, beaucoup de trucs à dire. Alors, je vais reprendre la formule consacrée maintenant de Hank, hein, les cinq choses à retenir, les five choses à retenir. Nous avions Charlotte qui nous a fait une petite revisite des Three Amigos hein, de Eddie Guerrero, mais revisité à la sauce Charlotte ciseaux de tête, hein, avec une sorte d'enchaînement de trois ciseaux de tête où elle écrase la tête de Bayley sur le tapis sans jamais la lâcher. Petite variation assez intéressante. On a eu dans ce match aussi les moqueries incessantes de la championne hein, qui, après chaque prise, était vraiment un modèle du genre et valent le détour. Hein. Elle sait vraiment être détestable. Entre chaque séquence méthodique, entre chaque prise, hein, parce qu'elle a globalement dominé pendant tout le match. Un, comme toujours, très beau moonsault de Charlotte, mais contré par les genoux de Bayley. C'est assez rare hein, de voir ce moonsault contré. On pourra également retenir le comeback de Bayley avec la descente du coude à la Shawn Michaels hein, pour une belle pop. Hein, une des premières nombreuses références au Texas dans cette soirée. Shawn Michaels, régional de l'étape. La cinquième et dernière, c'est bien évidemment ce natural selection terrible sur le tablier du ring qui vient conclure du coup ce match. Hein, c'était le finish. Natural selection qui est de plus en plus hein, maintenant, c'est une prise de finition un peu assez dévastatrice de Charlotte, la championne, donc qui gagne au bout de 13 minutes. La championne reste championne et donc maintenant 16-0 ou 17-0? 16-0, non? Ah oui, quand même. Ouais, 16-0, ouais. Wow. 16-0 pour des matchs de titre en pay-per-view. Voilà. C'est l'arène. En 1 contre 1, je crois. C'est ça. Pas forcément de titre. Mais bon, ça a dû être quasiment des matchs pour le titre tout le temps. Ouais. C'est 1 contre 1. Voilà. Victoire en 13 minutes. Écoutez, bon, plutôt un bon choix d'opener au final hein, avec la pop de Bayley. Vainqueur plutôt logique. Parce que Bayley a encore du chemin à faire hein, pour faire vaciller cette championne incroyablement dominante. On l'a vu pendant tout le match. Écoute, on va donner la parole à Ringside. Ringside, qu'as-tu pensé de tout ça? Moi, je suis très satisfait de ce match. Elles ont fait le job. Elles ont mis le public dans l'ambiance. J'ai adoré le finish. Ce natural selection là sur le tablier du ring, c'était joliment fait. C'était ce qu'il fallait pour ponctuer le match. Hein. Une bonne prise qui met bien KO Bayley. Impeccable, hein, je sais pas, il y a rien à redire de spécial. On sent qu'elles en gardent encore un peu pour des matchs un peu plus spectaculaires, je pense, parce que Bayley elle a pas encore sorti le grand jeu. Clairement, là j'étais très très satisfait de ce match-là. La révolution des divas ou la révolution féminine, si vous voulez. Ça, voilà, pour moi, ça fonctionne continue, toujours. Ça fonctionne et on a un beau match de championnat. C'est vrai que ce côté, finalement, on a vu Bayley hein, qui est un petit peu sur la réserve, hein, qui s'est fait beaucoup dominer. Je pense qu'en effet, cette logique peut-être de progression pour des futurs matchs était appréciable aussi dans ce match. Et Raphaël, peut-être un commentaire sur les femmes en général. Sur les femmes. Sur les femmes en général, Moi, j'aime beaucoup en général. Non, tu as tout à fait raison, il y a une marge de progression qui va être évidente. Le match était très bien scénarisé, ouais, j'ai trouvé. Aucune intervention qui parasite, aucune triche vraiment manifeste de Charlotte, donc c'était très bien. Je me suis fait la petite réflexion, alors je ne sais pas si vous allez réussir à comprendre ce que je veux dire. Je trouve que Charlotte, on sent que ce n'est pas tout à fait une catcheuse comme les autres qui a voulu faire ça toute sa vie. Je trouve qu'il lui manque quelque chose que les autres ont, mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce qu'elle a, ce qu'ils n'ont pas, mais je vois pas ce qu'elle manque en fait. Peut-être qu'elle n'a pas. cette Charlotte. Parce qu'elle n'a pas Charlotte, parce que elle a la technique, elle a le bagou dans le ring, là. Elle a beaucoup de choses quand même. Hein. Je ne saurais dire, mais T'as pas encore mis le doigt dessus. Mais il y a un je n'ai truc pas qui me... encore mis le... D'accord. Ça peut être le fil rouge de l'émission, Ouais, ou de l'année, hein, peut-être, à mon avis. ou de l'année. L'enquête Non, de mais en tout cas, Raphaël, hein. ouais. Ça peut être. En tout cas, ça t'a plu tout ça. Ah oui, beaucoup. Très très belle opposition de style. Bon, et alors, Irem, est-ce que ça t'a plu? Ouais, mais je t'avoue que moi justement j'étais alors techniquement c'était bien enfin après Bailey a eu un petit peu de mal au début à vraiment rentrer, il y a eu une espèce de quelques petites botches ou alors des approximations et surtout j'étais vraiment pas impliqué émotionnellement dans ce match et les enjeux n'étaient pas super bien n'étaient pas assez forts pour moi. Pour que vraiment voilà, je m'implique dans le match. Donc je l'ai regardé, j'ai fait ouais, ok, bon, un bon match. Par contre, le petit détail qui m'a fait comment dire, qui m'a fait un petit peu la petite étincelle, si tu veux, c'est la bouche en sang de Charlotte, parce qu'à un moment elle se Ah retrouve la oui, c'est bouche en vrai. sang et quand elle T'as fait un parlé. espèce de sourire carnassier comme ça, tu vois Ouais. toutes ses dents pleines de sang. J'adore cette image et ça. Des fois, tu te dis, il y a des petits accidents, pardon, si on peut dire comme ça, qui profitent aux catcheurs à ce moment-là et qui font créer des images. C'est toute cette imagerie qu'on a après du catch. Et Charlotte, bah, elle a eu du. Enfin, Elle a capitalisé elle a dessus, hein. capitalisé Ouais. là-dessus. Et c'est peut-être ce petit truc-là qu'elle a que les autres n'ont pas, ou je ne sais pas. J'en sais rien, mais ouais. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est l'image que je garde de ce match. C'est vrai, Et j'en suis c'est vrai, content c'est parce vrai. que Ouais. Charlotte, je suis dingue de cette catcheuse. Et voilà, donc pour Bailey, affaire à suivre. Mais Voilà, c'était peut-être voilà. Ouais, faut. encore peut-être un peu trop, pas assez peut-être crédible vis-à-vis de la championne qui est au sommet, quoi. Ouais, Donc c'est c'est ça, peut-être c'est ça ça. qui, peut-être ça qui manque. Et l'amiral pour conclure ce petit tour de table. Ah, pareil que IRM, hein, c'est voilà, cette image Charlotte qui sourit en tant que heel dominatrice ultime, la reine des pay-per-view, elle est juste fabuleuse. Effectivement, faut que l'histoire se construise un peu. On sait qu'on n'en est qu'au début, c'est leur premier affrontement pay-per-view. Il y en aura certainement un autre, peut-être un Fastlane, en tout cas à Mania. Donc, c'est le premier affrontement d'une belle série, en tout cas, et il y a tout dans le ring pour que ça marche. Faut juste qu'ils apprennent à renouveler un peu leur promo dans les weekly niveau d'euro. C'est un peu le point faible pour l'instant. Voilà. Mais sinon, en termes de catch, ça donne du bon. Et vraiment, Charlotte, encore une fois, respect à la reine. Je m'agenouille. À tous. C'est ça. C'est ça, au final, c'est ça. Dans le ring, c'était excellent, mais peut-être que pour qu'on ait apprécié encore plus ce match, il manquait encore une emphase dans la construction qui est pas encore parfaite, parfaite, quoi. Mais bon, ils ont encore un peu Bon, de temps. on sentait quand même la pression sur les épaules de Bailey un petit peu. Ouais, Senti, bah moi je l'ai et c'est senti en ça, je début de match un match. petit peu. Bah Voilà. c'est En ça début de aussi, je match, pense, qui a ouais. contribué à ce que justement au début, c'était un Mmh, peu, tâtonner un peu, ouais. ouais, ça tâtonnait, ouais. Mais elle va faut qu'elle prenne la Parce que confiance. Elle va c'est prendre ça, la parce que confiance. c'est finalement c'est une rookie encore, hein, donc. Mais Bah, oui, mine c'est de... une petite C'est vrai que mine de rookie, mais rien, oui. ouais. Mais elle est entourée Mais en... d'amour, ça va bien se Mais passer. normalement, la force de l'amour et des fans Envoyons-lui notre amour. devrait suffire, hein. Cœur avec les Ouais, mains. c'est son premier match solo en pay-per-view, donc C'est forcément, il vrai faut que que ça marque. c'était également son. Oh, non, elle n'avait pas eu un truc contre. Non, non, non, j'allais dire Dana Brooke peut-être, mais non, elle n'a pas eu un 1v1 contre. Ah, un Non, mais pay-per-view aussi, peut-être. ça compte Je sais pas pas. contre Dana Ouais, Brooke. Non, non, ça on compte parle pas, de je pense. match qui soit pas aussi anecdotique. Non, mais là, c'était en effet son vrai gros test sur la. Et puis, c'était une sacrée scène, hein. 60, enfin, 50 000, plus de 50 000 personnes. Ça doit impressionner. 2,5 km de rampe pour arriver au ring. 2 km 5 de C'est rampe. chaud quand même. Elle a pu taper dans un nombre de mains Ouais, c'est incroyable, faire ça. plein de câlins et 700 tout. personnes. Ouais, Ouais. mais côté dans une voiture de golf, ça va vite, C'est 2,5 km de rampe. ça. C'est On en clair. reparlera. On en reparlera. Non, on C'est clair. reparlera. Mais dans tous les cas, c'est bien parce que le finish, effectivement, l'Inter-Selection sur le tapis du ring, c'est tellement dévastateur que même si Voilà. elle perd Bailey, elle n'en ressort pas diminuée. Elle n'en paraît pas faiblarde. C'est C'est juste vrai. que Charlotte est trop forte. Pour Donc ça, c'est pas l'instant, mal. Charlotte est trop forte. C'est ça la Ouais. morale de l'histoire, exactement. Et en parlant de mecs trop forts, et ben voilà, nous allons une transition parfaite puisque nous allons pouvoir enchaîner sur Roman Reigns. Et bah, il avait un challenger aujourd'hui, Roman Reigns. C'était Kevin Owens. Pour... non, non, c'est bon, donc j'avoue, le, espoir. le champion Kevin Owens qui donc affrontait Roman Reigns dans un match sans disqualification avec la plus sexy des piñatas au-dessus du ring dans une cage. Dans une cage Mattel, hein, comme nous avait avoué Hank. Donc, encore une fois, bref, alors beaucoup de choses à dire sur ce match, mais on va essayer d'en garder 5 points et je vous laisserai le soin de compléter. Mais donc, bah, les 5 grands points du match, c'est notamment bah, tout le début avec le souci permanent de Kevin Owens en début de match hein, de s'occuper de son meilleur ami, de lui parler entre chaque spot. Le sens du détail, toujours, hein, de Kevin Owens qu'on révère ici et qu'on met en avant toujours les petites phrases, les mots pour rassurer son ami au-dessus. En deuxième, bah, c'est aussi finalement tous les talents de joueur de Jenga de Kevin Owens qui nous a montré ça avec sa pyramide de chaises qui servira bah, finalement à sa propre chute plus tard dans le match. Hein, c'est la fameuse règle incontournable du catch qui veut que si tu vas prendre un gros spot, autant t'assurer toi-même que les objets sont bien en place. On a eu aussi évidemment bah, Jericho qui a lâché un point américain à Kevin Owens. On avait beaucoup spéculé, est-ce que ce serait la liste, est-ce que ce serait sa ceinture, est-ce que ce serait son écharpe, mais non, c'était un point américain. Et donc Owens qui a claqué un Superman punch dévastateur, mais simplement pour deux, puisque Roman Reigns est évidemment bien trop fort. Puis on a eu dans ce match les références au Texas qui ont continué avec un Stone Cold Stunner de Kevin Owens sur Roman Reigns, hein, donc référence au Rattlesnake du Texas. Et enfin, l'intervention de Braun Strowman qui donc pendant quasi plus de 20 minutes s'est caché sous un ring qui a prouvé tous ses talents de stratège hein, puisqu'il est venu démolir Roman Reigns en fin de match pour offrir la victoire aux Canadiens. Victoire donc de Kevin Owens qui conserve son titre en 24 minutes. Un match qui aura au final parfaitement fait usage de la stipulation parce qu'on aura vu des chaises, on aura vu des tables, des points américains, des interventions extérieures, des tables de commentateurs explosées et qui finit donc sur un gros what the fuck moment. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Raphaël? Allez, je commence. Eh bien, puisque je commence, je vais dire que j'ai beaucoup aimé. Tu l'as dit, ils ont très bien utilisé la stipulation qui, pour moi, bon, c'est facile de le dire après coup, mais c'était évident que c'était un truc rajouté pour permettre à Reigns de perdre sans être trop humilié. Mais je ne m'attendais pas du tout à l'intervention de Braun Strowman, j'avoue. Oh. Pourtant, ça aurait pu être prévisible vu ce qui s'était passé ces dernières semaines à Raw, mais je m'attendais à un coup fourré avec Jericho. Ouais, non, c'était bien. Et puis, quel match, quoi. On continue de ne pas aimer Reigns, mais on continue de le trouver bon sur le ring. Et Owens, il faut le souligner, a fait une belle perf, parce qu'on dit souvent que depuis qu'il est champion universel, il apparaît faible, mais il a quand même sorti. Ils avaient sorti un très beau match en Hell in a Cell contre Rollins, même s'il y avait eu l'intervention de Jericho. Là, ils sortent une très grosse baston, hein, vraiment super travail, des beaux spots, spectaculaires, de la violence, et Reigns qui perd à la fin, je veux dire, que demande le peuple. Moi, j'ai bien aimé. Bon, bah nickel. Et Irem alors? Alors moi j'ai eu un peu peur, notamment quand ils sont continué de se bagarrer le long de la table des commentateurs internationaux, hein, parce qu'ils ah se oui. sont retrouvés un moment dans le public au niveau des commentateurs internationaux. Là il y avait notamment Agus et Chéreau, et j'ai cru qu'il allait que comment Roman Reigns allait empaler Kevin Owens ou l'inverse sur un des petits drapeaux polonais qu'il avait posé avec les petits pics là. J'ai eu très très peur. Façon The Dark Knight, tu sais, quand il plante la tête là dans le crayon. Ouais, c'était mon. J'ai eu peur à ce moment-là. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Roman Reigns, il est vraiment très bon hein, dans cette partition. Très physique, évidemment. Kevin Owens est parfait. Il a vraiment. Cette relation avec Chris Jericho, plus la mise en scène autour du. Dans la cage, plus ce combat très physique, très intense. Tous les ingrédients sont là pour qu'on obtienne quasiment le meilleur de Kevin Owens. La seule façon d'obtenir le meilleur de Kevin Owens, c'est de mettre sa mise en face. Là, il nous montre que voilà, on peut y arriver aussi sans l'autre Canadien. Donc ouais, tous les ingrédients étaient là pour nous offrir vraiment un super match. Et voilà, et vraiment le Superman Punch porté à merveille par Kevin Owens. Certains ont même dit qu'il était mieux porté que par son créateur original. Bon, voilà. Oui, j'assume, évidemment. Toujours dans la provocation, l'amiral. Ouais, moi j'étais vraiment un super match. Et l'arrivée de Braun Strowman, sur le coup, j'ai pas compris. Puis après, j'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont expliqué pourquoi. Et j'ai dit, bon, d'accord, ok, ça va, ça tient la Il y route. a une explication, c'est vrai. Et elle sera encore mieux explicitée à Raw le lendemain, mais on va pas spoiler, hein, mais c'est vrai que ça se tient. En fait, on aurait pu, comme dit Raphaël tout à l'heure, on aurait pu en effet le prévoir si on suivait un peu plus, si on faisait attention aux détails, on aurait pu le prévoir. Mais, non, mais vous ne suivez pas, vous ne suivez pas Raw tous les deux de SmackDown, Ah là. si, On sait si, bien on que. suit, on vous écoute, mais vous Vous n'avez pas dû pouvez, en s'il vous parler, je plaît. pense. Ouais, c'est Non, ça. mais comme tout est mélangé, D'accord. voilà, en haut de la carte, faut suivre. Bon, on va garder l'amiral, le fan numéro un de Reigns pour la fin. Je vais donner la parole à Ringside. Tiens, on a un Alors qu'on amiral voit la ici. Ah, chambre de Hank. alors que Attention, alors attention. la chaise est levée Oh, pour catch your Hank. dream! Don't you dare! Et Il voilà fait le. avoir. Et le numéro 30. numéro 6, le dernier Eh entrant. oui, eh oui. Wes Hank. Bonjour J'ai Hank. convaincu Vince avec des photoshopées de moi. Ah ben c'est Et parfait, tu arrives voilà. pour parler de Roman Reigns, donc c'est parfait. Mais alors, Déjà? nous Non, mais le allions. premier. Nous allions avoir l'avis de Ringside sur ce match, mais tu vas pouvoir également nous donner le tien, c'est parfait. Bon, du coup, c'est qui? Là, C'est là. Ringside. Vas-y, Ring. Ringside, vas-y. J'y vais? Sûr? Oui, Sûr, vas-y, sûr. Ringside, tu peux D'accord. y aller. Je Le suis grand en penchant. sécurité ici. D'accord. Non, bah, moi, je suis Raw quand même d'assez près, hein, parce que j'ai une émission de radio de temps en temps où je raconte ce qui se passe. Et je ne l'avais pas vu venir quand même, ce gros Braun Strowman là qui a défoncé. Je crois qu'il a failli le tuer quand même un petit peu, Roman Reigns, là, Là, quand il a essayé de le faire passer à travers la table et que la table n'a pas heureusement qu'il en a cassé. raté une. Et surtout qu'il avait pas Ouais. retiré les postes de moniteur, enfin En les plus, hein, moniteurs je de crois qu'il s'est contrôle. mangé le. Quel fou! Ouais. TV Champion! Il a voulu bien Et faire. voilà. Et le match en entier était magnifique. Moi, j'étais de bout en bout. J'étais comme un enfant avec toute cette violence là. Kevin Owens monstrueux. Franchement, on s'est tapé quand même une storyline de merde là qui a duré des mois et des mois. Si c'est pour terminer sur ce match-là, bah, moi je dis Vince, tout est pardonné. C'était super. Reviens. Voilà, moi je me suis éclaté de bout en bout. Voilà. Kevin Owens enfin monstrueux. Roman Reigns, comme j'ai dit, parfait dans ce type de match. L'intervention du Strowman monstrueux. Voilà, ça restera pour moi un grand moment, je pense, des Royal Rumble. Voilà, on parlera après de la qualité de ces deux gros matchs-là, parce qu'après il y a le Cena et AJ Styles qui est vraiment à très, très haut niveau aussi. Là, pour moi, c'est la WWE qui montre ce qu'elle peut faire, quoi, après tout le buzz qu'il y a eu autour du Wrestle Kingdom. Je pense qu'ils ont décidé d'élever le niveau sur les pay-per-view. Sur la qualité des matchs. Voilà, et sortir un truc vraiment 100% spectaculaire. Et putain, c'était réussi, quoi. Je Ben vois que voilà. Monsieur Armbar s'est mis à l'eau. Non, C'est à il a cause rien du. à voir. C'est Faut un à peu cause d'hier décuver, ouais, soir. de la soirée d'hier C'est à cause soir. d'hier soir. Ouais. Vince, si tu reviens, j'annule tout. Non, Allez, vas-y, Hank. ouais, non, mais alors là, je viens de taper un sprint de 10 minutes, donc j'ai le cerveau grillé, j'ai 5 heures de sommeil. T'aurais dû Mais prendre ta voiturette de golf comme tout le tout monde. était bien, voilà. Tout était bien dans le meilleur des mondes dans ce match. Non, mais j'ai vu le match. En fait, j'ai vu le match en direct, les trois quarts, et j'ai arrêté de regarder parce que le stream était pourri. J'ai mal pour les gens qui ont regardé le show en live parce que le stream buguait assez régulièrement, en tout Stream cas du sur la. network? Ouais, du network. Oui, Oh. légalement, monsieur. Je paye ma cotise. Scandale! On paye pour avoir de la Scandale! merde. Cotisation. Très bien. Mais donc voilà, et du coup je me suis dit je vais forcément le remater, mais ça va pas me faire la même, enfin, et sur le moment en plus avec les bugs de stream, tu vois, ça te casse le C'est rythme un du peu le match rythme, et tout quoi. ça, Ouais, c'est sûr. donc du coup tu vois juste les spots, Et j'ai regardé re-regardé le match de bout en bout. Et là, je me suis dit, bordel, j'ai vu ce truc hier soir, mais là, en fait, ça y est. Ça n'a rien à voir. c'est tellement bien un match en entier. Mais donc, du coup. Surtout un match qui finit, c'est bien. Non, mais il y avait des trucs de taré, le frog splash sur la table. Oh ouais. Mon dieu. Aïe, aïe, aïe. C'était mon spot du match, ouais. Le bullfrog splash de Owen, c'est sur la table qui se brûle les arcades. Est-ce qu'il a mangé Rain? Ouais. Je veux bien qu'on dise qu'il a une comment? Il a un truc de une armure, gilet pare-balles. Ouais, voilà un truc du GIGN. Un gilet par cannonball parce qu'il s'est pris je ne sais pas combien de cannonball par Owens, mais ça a été une exécution. Il a mangé toute la nuit. Et du coup, ouais, Reigns était en mode christique à la fin. Hein. C'était tous les péchés. il se prend la grosse dose par Owens et puis après, allez, une couche de Strowman. J'essaie de te faire passer à travers la table, ça passe pas. C'est pas grave, on va à la table là-bas. Je te passe. Il a mangé. Il a bien mangé. Donc voilà, il était bon dans ce qu'il sait faire, Reigns, mais. Le match était exceptionnel. Désolé, Giscal, mais le match était exceptionnel en grande partie à cause d'Owens. Parce que Reigns était bon, mais Reigns était bon comme il a été bon avec AJ Styles. Et finalement, au fur et à mesure de ces gros matchs, les très bons matchs avec Reigns, à chaque fois on se rend compte, il fait son boulot. Il fait pas plus. J'ai pas l'impression. Enfin, Non, mais il y a des gros spots qui sont impressionnants. Il montre une force de ouf. Mais ce que je veux dire, il fait rien d'impressionnant ou que je trouve vraiment risqué. J'ai l'impression qu'il est. Il est toujours un petit peu le. Justement, il joue un peu le Strowman à chaque fois de ses matchs, quoi. À chaque fois, le gros baraque qu'on n'arrive pas à faire tomber, etc. Il fait ce qu'il sait faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Enfin, je pense que c'est un excellent exécutant. On va dire qu'il va bien répéter son match. On va lui donner les grands points et il va les exécuter à la perfection parce qu'il a le cardio, il a le physique, il a mine de rien une petite expérience qui commence à se construire et tout. Donc, c'est un super bon catcheur, mais en effet, je suis d'accord qu'il ne sera jamais. C'est un premier de la classe. Voilà, il sera jamais meilleur que quand il sera mis dans les conditions parfaites avec un super adversaire et tout. Mais bon, en tout cas, il a le mérite de, quand il est mis dans les conditions parfaites, il a le mérite de sortir quand même des putains de matchs. Et il y a un moment où je l'ai trouvé, juste le dernier truc, un moment où je l'ai trouvé libéré, mais c'est juste dans l'expression du visage, c'était vers la fin, avant qu'il se fasse démonter par Strowman et tout ça, mais vers la fin où il était en train de se préparer, je pense, pour un Superman punch, il était dans le coin du ring et il avait une expression sur le visage très vénère, quoi. Enfin, un truc que tu vois pas souvent chez Reigns, où généralement il est un peu malin, quoi. Il est un peu genre un peu goguenard, tu vois, genre. Ouais, voilà. Arrogant. Et là, il était premier degré, il était vraiment genre. Et on sentait que du coup c'était Owens, enfin le premier que je vois, même AJ Styles lui a pas vraiment fait ça au niveau, je sais pas comment dire, réaction, quoi. On sentait que, je sais pas si c'est lui ou si c'était qu'il le jouait, mais à ce moment-là du match ils en étaient genre à 15-20 minutes, donc bon, je pense pas que c'était vraiment édité. Donc voilà, et là je me suis dit, putain, si seulement il était comme ça, si seulement il était juste pas... Pas à sourire tout le temps, pas dès qu'il prépare son finisher, à faire un petit clin d'œil à une fille, un petit sourire au public, un petit. Attends, il faut pouvoir assurer ses soirées derrière. Ouais. Voilà. Mais bon, ils veulent en faire The Rock, donc forcément qu'il est il obéit. Mais bref, très bon match. Très, très bon. Qu'il était dans l'adrénaline, en fait. Hein, le moment que tu décris, hein, qu'il était dans l'adrénaline du combat, ça a été un combat qui a été très rapide, un rythme effréné, très violent, comme vous l'avez dit. Donc, je pense qu'à un moment donné aussi, même si tu es un pro, bah, tu te laisses porter par ça, quoi. C'est ça que j'ai adoré. J'ai adoré ce moment parce que c'était le moment où, genre, ça faisait authentique, ok, tout quoi. Est programmé, mais putain, je commence à en avoir marre. C'est ça. Non, excellent match. Hein, voilà, je ne vais pas redire ce que vous avez dit. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ce truc, je me dis quand même si Owens a pu montrer son côté dévastateur, hein, qui avait été mis un peu sous silence tous ces derniers mois, ce qui était bien dommage. Bon, il gagne, mais encore finalement grâce à l'intervention de quelqu'un. Donc, j'ai un peu peur qu'il se fasse enfermer ad vitam aeternam dans ce rôle de je ne peux pas gagner contre un top card main eventer sans une aide extérieure, alors qu'il a tout pour le faire. Donc, il pourra contre quelqu'un d'autre. Oui, par personne contre, ne bat Roman Reigns. Ouais, ouais. Oui, c'est déjà, pas un cas. D'ailleurs, Reigns était donc complètement défoncé et blessé quand il est arrivé au Rumble, donc c'est normal qu'il perde. Oui. Ils ont cassé son nez en plastique. Ils ont tout cassé. Ah non, oui, le truc. On en parlera à Rousseff. Ah oui, oui, il faut en parler parce que je sais pas moi ce qui lui est arrivé au pauvre Rousseff. Mais... C'est un cas de la culture. Peut-être, peut-être. Ouais. Après le handsome Rousseff, nous avons le broken dashing, Rousseff, là, ouais, je sais plus, dashing Rousseff, et puis après, bon bah ça va être Red Star Rousseff, ou je sais plus. Là, comme... Bon, il faut passer au Seven Star Match là. Ouais, il faut passer au Seven Star Match, exactement. Enfin quoique, attends, non, nous avons une petite transition quand même. Nous avions une petite. C'était écrit hein, malheureusement pour nos pauvres amis Cruiserweight, mais vu la tête de la carte, ils allaient être condamnés à passer entre deux énormes matchs. Et ça n'a pas loupé, puisque nous avons enchaîné sur Neville contre Rich Swann, le champion des Cruiserweight. C'est parti pour les 5 points, hein, les 5 points de Hank. J'ai pas prêté c'est Z. Donc, je me suis doté Neville était super, super violent et méchant. Que Swann, il était super, super... on sait pas en fait, mais il est gentil. Le plus gros spot du match des Cruiserweight, c'était une superplex. C'est toujours sympa. après, il faut reconnaître que les roundhouse kicks de Swann sont quand même pas dégueux, mais bon, à part ça, il y a eu une superplex et après, il y a eu des colliers au sol et des trucs comme ça. Sinon, on peut dire que il y a eu encore une victoire par soumission sur un face. Donc, après TJ Perkins, manifestement, les faces dans la division Cruiserweight sont pas très, très. Never give up, pas très vaillant, hein, donc voilà. Victoire de Neville donc sur sa prise de soumission en 13 minutes. C'est l'effet des indés. C'est classique l'effet des indés, ça. Ils sont élevés à la loose. Pas de psychologie. Ils sont habitués à faire des sauts périlleux, ils n'ont pas l'habitude d'être pris dans des trucs où on leur tord le bras. Ça dure 10 minutes. Non, ils font. Pas faire des flips plutôt ouais. Je suis un peu sérieux. Le match n'était pas immonde, mais bon voilà, c'était très classique, ça n'avait pas grand chose à voir avec quelque chose de spécial en fait, parce que moi je m'étais noté que franchement s'il n'y avait pas eu les cordes violettes, c'était difficile d'expliquer à quelqu'un que c'était un match d'une division particulière, et puis bon, c'était quand même très compliqué de passer après la folie d'avant. Faut aussi prendre ça en compte, mais bon. Nous allons donner la parole à Ringside pour ce match. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire, hein. C'était nul. comme tu dis, hein, ils auraient pu faire quand même quelques sauts périlleux, histoire de dire que voilà, c'est un peu nous les cruiserweight, ça va 100 à l'heure, machin, machin. Là, ils ont fait du comment on appelle ça, du map wrestling là, devant combien 70 000 personnes là. Ouais. C'est acheté en fait, hein, ce qu'ils font avec les cruiserweight maintenant. Je pense qu'on peut l'officialiser. On a encore eu la preuve dans ce magnifique pay-per-view avec ce moment creux qui servait à rien du tout. Je peux là-dessus, c'est zéro pointé, je pense. Ils ont un peu remplacé les divins pay-per-view pour c'est ça. À la pause pipi. Hein. C'est mon cher amiral, qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Bah moi, c'était la post-clope, hein, ce match, donc je ne vais pas vraiment en parler. Ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Oui. C'est vrai, en plus. Non, je l'ai regardé derrière, mais je ne vais pas passer trop de temps dessus. Le match n'est pas mauvais en soi, mais c'est vrai que passer après le Charlotte Bailey, le Roman Reigns, Owens, super compliqué. Donc, pas facile, hein. C'est pour faire retomber la tension avant de repartir vers un énorme match qui le Rumble derrière. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec le temps qu'on leur a donné. Et malheureusement, c'est vrai que c'était un peu chercher l'intrus dans cette carte en fait, hein, ce match. Ah bah donc, complètement, ouais. Alors qu'on pouvait s'attendre à quelque chose, c'est vrai qu'au final, c'était un peu en effet chercher l'intrus. Ouais. Même si je comprends qu'ils n'aient pas voulu mettre dans le kick-off... pour pouvoir faire des matchs en kick-off comme le tag team Cesaro Sheamus contre Bullet, hein, contre le club. Boulette. Les gens regardent le kick-off. Ouais, la bullet, mamute. Les bonnes boulettes. J'aurais préféré dans la construction du show, du Rumble, hein, qu'on ait le tag team de Raw à la place du les Cruiserweights. Ça aurait été plus intéressant. Final, ça aurait été une pause peut-être plus agréable, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Yarem. Écoute, moi j'imagine très bien. Mais j'imaginais l'amiral Armbar, donc qui va faire sa pause clope lors du premier visionnage en direct, quasiment de ce match. Puis le lendemain, il se dit allez, je veux me le mater. il lance le match, il va se faire une pause club quand même. Ouais, mais je pouvais regarder le match et finir en même temps. Ouais. Mais Hervé, il fait, merde, je me suis fait encore avoir. c'est ça la puissance de la division Cruiserweight. Non, franchement, rien à rajouter. Sinon, je suis comme, enfin, voilà, je me dis, voilà, Neville en champion, ça présage non pas forcément d'une division Cruiserweight qui retrouve ce qui manque, ce dont vous parlez, c'est-à-dire le style, la technique, enfin, les sauts des cabrioles dans tous les sens. Je suis pas sûr qu'on va forcément avoir ça plus souvent, mais au moins en termes de personnage, voilà, on a quelque chose d'au moins intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, moi je suis au moins content pour lui et je me dis, voilà, il y a ça en plus. Mais c'est un peu le seul aujourd'hui qui a, on va dire, une sorte de personnalité un peu qui donne envie d'écouter ce qu'il raconte. Ouais, quoi. C'est bien de pouvoir avoir un mec qui peut dire il domine une division, toi. Parce que ce qui est vrai, voilà, la top card, le main event, les ceintures en haut sont plus importantes. Mais là, c'est bien de se dire que le mec, voilà, il y a quelque chose. J'aime bien ce perso-là, en tout cas. Donc, bon. Mais c'est vraiment histoire de trouver un point intéressant à tout ça, quoi. Tu ouais. Chercher loin, hein, quand même. Ouais, j'ai hydraté. Bon, Raphaël, est-ce que tu as trouvé un point intéressant, toi? Je vous avouerai que j'ai zappé le match, moi aussi. Oh là là. Il y avait trop à voir ce soir-là. Non, mais le pire, tu l'as très bien dit, Giscal, il remplace les divas des années 2008-2010. Moi, je suis persuadé que c'est voulu, qu'on leur a dit, il y a une putain de grosse soirée, ça dure 5 heures, là, les mecs... c'est le moment pause, quoi. Vous y allez tranquille, vous faites pas un monkey spot de ouf, c'est pas votre rôle, et je sais vraiment pas comment sauver cette division creuse comme la dit Ringside, parce que même voilà, quoi, Neville est bon, mais ça me fait chier de le voir que là. Austin Harris, ça m'attire pas trop de l'imaginer juste dans cette division, alors que Austin Harris, c'est un petit mec, tu verras jusqu'à tu, c'est quoi, tu verras, c'est le barbu avec les lunettes de soleil là, c'est ça, c'est ça. Ouais, lui, c'est faire une promo, tu vois. C'est le meilleur homme qui n'ait jamais vécu, tu verras. Mais il a fort à faire quand même, parce que j'en connais un là. Qui a bien vécu, lui. Ouais, ouais. Oh mon dieu. Ouais, donc non, ben, rien à dire de plus, je passe. Cruiser, c'est un naufrage pour le moment. Hank, y a-t-il quelqu'un pour sauver le navire Cruiserweight? Est-ce que c'est Hank? Alors, Bailey contre Charlotte. Bailey contre Charlotte, c'était un match énorme. J'ai adoré. Charlotte était fantastique de bout en bout. J'étais pas là pour le commentaire de ce match. Donc voilà, c'était de la balle. J'adore Charlotte, je veux la marier. Bravo Bailey, mais il va te falloir au moins 6 mois, 1 an avant que on soit convaincu que tu puisses battre Charlotte. Sinon, le match des Cruisers, j'ai regardé 2 minutes et j'ai passé au match d'après. Ouais. écoutez, j'ai regardé 2 minutes séparées en 20 secondes au milieu, enfin au début, au milieu, à la fin, et voilà, j'ai pas voilà. Un peu plus que ça, en fait, je me serais endormi. On va pas se forcer alors. Hein. On va passer au match suivant. On va passer au show stealer de la soirée, hein, puisque j'ai mis tout mon attirail. Oh mon dieu, mais c'est. Alors, pour ceux qui ne regardent pas en vidéo, Giscal a juste effectivement tous les petits brassards de John Cena qu'il a mis par-dessus voilà, son petit il a 3 brassards. Costume 3 pièces. Voilà, sur son costume de barman. Donc c'est le Clark Kent du catch. Et le brassard du biceps, c'est tellement gros que je pourrais le mettre autour de ma tête. Il n'y aurait pas de problème. Parce que Des raisons esthétiques, tu ne vas pas le faire. Et pour les raisons esthétiques évidentes, je ne vais pas le faire. C'est un bassin de tête à la base. On va se faire striker par YouTube. C'est vraiment sur un la truc tête. De tête. Hein. Non mais il faut moi pas qui, écouter moi ce que dit Jay. Moi qui étais à deux doigts de faire une réflexion sur les rideaux, je me suis dit je vais l'épargner. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Bon allez, on enchaîne sur le main event de la soirée. Hein, je pense qu'on peut le dire. John Cena contre un mec d'Atlanta. Qui s'avère être le porte-ceinture de la soirée. Alors, John Cena contre AJ Styles, le match, le troisième match, celui la revanche qu'on attendait tous, et qui commence sur une ambiance absolument électrique. Hein, donc les Cruiserweight n'ont pas endormi la foule, manifestement, puisque L'ambiance est juste surréaliste à l'entrée des deux et au début du match quand la cloche sonne, hein, toujours cette petite séquence d'observation. Bon, alors seulement 5 trucs à retenir, ce sera un petit peu une injure à ce match de Maboule, mais bon, c'est la règle, donc encore une fois, je vous ferai confiance, hein, pour compléter. Mais bon, les 5 points que je m'étais noté, c'était que, et fait assez rare pour le souligner quand même, c'est le seul match de la soirée et le seul match depuis très longtemps où aucun des deux lutteurs n'est sorti du ring. Et ça, je trouve que ça témoigne d'une vraie qualité de technique et de gestion du ring qui est quand même exceptionnelle. Ils ne sont jamais sortis à un seul moment. On a eu, bah, bien évidemment, le teasing incroyable du heel turn de John Cena. Hein. Peut-être que quelques hérétiques y ont cru. Mais bon, le teasing de John Cena qui nous a placé Il en fait un tous les 6 mois. Il fait sa tête énervée comme ça. Il fait sa tête très énervée avec donc, bah, les lariatos là, les plus vicieux à la WWE qu'on ait vu depuis un bon moment quand même. On a eu aussi un spot assez dingue avec une sorte de electric chair facebuster hein, de Cena sur AJ Styles qui du coup s'est écrasé là de au moins il fait combien Cena, il fait 3 mètres, un truc comme ça. Okay. on a eu selon l'encyclopédie de la WWE, je crois, oui, 3,5 m. On a eu AJ Styles qui s'est relevé d'un avalanche attitude adjustment, mamma mia, incroyable, ça ne s'est jamais vu, truc de ouf. On a eu aussi un incroyable aussi enchaînement de soumission à la fin. Entre les deux, superbe enchaînement avec un STF, avec le calf crusher, avec le crossface et surtout avec la prise en 4 à la fin, à un moment critique, hein, puisque c'est évidemment une référence hein, au 16e titre, au record de Ric Flair, cette prise en 4 qui aurait pu être fatale, très très beau spot. Donc bah, voilà, le match qui se termine au bout d'un suspense absolument insoutenable sur un double attitude adjustment. Le premier attitude adjustment, mais au lieu de tenter de tomber, Cena qui roule sur AJ Styles pour le soulever et lui emporter un deuxième. Victoire en 24 minutes 30 et 16e titre. Hosanna, 16e titre. Cena a égalé le record suprême. Ce n'est que justice finalement pour le plus grand catcheur bah, de tous les temps. Donc je vais laisser sur ces bonnes paroles la parole à Hank. Hein, je pense qu'il partage mon avis. Sur le plus grand catcheur de tous les temps, je sais pas. Il y a des matchs où il y a trop de choses à dire et du coup, tu sais plus quoi dire. Et du coup, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que AJ Styles contre John Cena, ça pourrait être un show. Je sais pas, vous me faites payer 5€, 10€ par mois pour voir AJ Styles contre Cena toutes les semaines. Moi, je dis oui. Je paye. donc, c'est exceptionnel. Dis pas ça, ils sont capables de le faire. Ils font. Enfin, moi, je paye en tout cas, c'est sûr. Ils font toujours. Enfin, j'allais dire toujours. Il me semblait que c'était la même construction de va-et-vient et à la fin, c'est l'empilement de finishers, chacun son tour, etc. Je crois qu'ils ont fait un peu la même à SummerSlam. Mais il y a eu beaucoup de références à leurs anciens matchs sur certains contres et tout. Ouais. Mais c'est juste fantastique à regarder, ils sont hallucinants. Et puis, il n'y a jamais... Pourtant, ils ont répété, enfin, il y a eu deux Styles Clash, il y a eu deux AA à la fin, il y a eu... Mais les mecs, c'est l'encyclopédie, quoi. Tu regardes leur match, quoi ? C'est quoi ça ? Quoi ça ? Ça tout change et tout peut... Enfin, tout peut être un finisher. Disons que... Du coup, on y croit, on croit à ses tombées parce que le finisher est différent à chaque fois. Au moins, enfin, pour la fin du match, bien sûr, bon, il y a le Styles Clash, mais entre deux, ils font des prises qui sont visuellement qui ressemblent à des finishers. Quoi. On pourrait croire aux tombées. J'ai pas les noms en tête parce que je suis très mauvais avec les noms de prises. Mais donc voilà, Cena, comme d'habitude, il a sorti des prises qu'on l'a pas vu, ou alors vraiment les mecs qui ont de la mémoire, oui il l'a fait il y a un an et demi, tel match, blablabla. Mais bon, c'est la grande qualité de Cena depuis, je pense, bah, depuis que tout le monde l'adore et a arrêté de le haïr genre il y a 2 ans, quoi, c'est que il est capable dans les grands matchs à chaque fois de sortir, ok, cette fois-ci, et bah, je vais sortir 2 ou 3 moments comme ça avec une prise que personne n'attend ou alors une variation que personne n'attend. Et voilà, et le rythme est freiné et la fluidité des enchaînements quand il roule l'un sur l'autre, quand il compte les soumissions, le cap crusher qui passe en STF. Ah, c'est super ça. C'est y a rien qui dépasse, c'est parfait de bout en bout. C'est 7 stars. Voilà. Et voilà, c'est ça, c'est parce que on a beaucoup enfin la polémique sur internet, c'est un peu de voilà, en ce moment là, de comparer ce match au fameux 6 stars match de Wrestle Kingdom. Et toi, Ringside, qu'as-tu pensé ? Est-ce que c'est un 7-star match, alors, justement ? Ouais, je valide les 7 étoiles. Hein. C'était du bonheur, encore une fois, de bout en bout. Comme tu as dit, effectivement, ils sont restés entre les cordes. Hein. Il n'y a pas eu d'artifice. Ouais. C'était un peu tout l'inverse, en fait, du Kevin Owens-Roman Reigns, qui était justement un truc qui est parti tout de suite à l'extérieur, où ils ont utilisé toutes les armes. Et la dernière fois qu'il y avait un match comme ça, où ça c'est, du moins de mémoire, qui m'a marqué, c'est le Kevin Owens-John Cena. Je crois le premier qu'ils ont fait. Pareil, ils étaient restés c'est vrai, fait la dans le ring. Et ouais. c'était aussi un match phénoménal. Mais là, on est encore un cran au-dessus. Voilà, les deux plus grands talents, je pense, du catch mondial qui s'affrontent et qui sortent encore un match plus que parfait. Voilà, ouais, la réponse, encore une fois, de la WWE à tout le buzz qu'il y a eu autour du Wrestle Kingdom. Ils ont AJ Styles. Ils ont le meilleur catcheur du monde et ils ont la plus grosse mégastar du catch, John Cena. Et John Cena, il sait faire des grands matchs. Et voilà, et quand les deux ils sont associés, bah, ça donne le plus grand match peut-être de tous les temps. Hein. On est aussi dans la course à ce titre-là sur cet affrontement. Voilà, prends ça dans ta gueule, Kenny Omega. Et puis et voilà, on se revoit à la prochaine. Hein. Non, mais la différence, c'est le contexte, quoi. Enfin, je sais pas qui suit la New Japan ici, mais en tout cas, moi j'ai vu Okada Omega, j'ai trouvé que le match était fantastique, mais je pourrais jamais trouver un match, dire qu'un match est au-dessus de tous les autres s'il n'y a pas cet élément de contexte et s'il n'y a pas. C'est ça aussi qui fait qu'ils sont incomparables. Cette histoire, il fallait que la WWE prouve qu'elle était capable de le faire, elle vient de le prouver, donc c'est, là, c'est vraiment, ça ferme la gueule à tout le monde. Quoi. C'est, d'ailleurs, il y a Okada qui a tweeté Kenny Omega versus Okada, supérieur, donc plus intéressant, meilleur que Cena Styles. Le lendemain du Rumble. Ah, présomptueux, c'est Okada. C'est ça, mais c'est pas qu'ils essayent. Ouais. Ils essayent d'exister comme ils peuvent. Hein. N'abuse pas non plus. Il faut qu'ils s'agitent, non, mais... qu'ils fassent du buzz, qu'ils tweetent. Tu vois, ils font du ping-pong comme on fait effectivement Cena poster des trucs sur Omega au lendemain de Wrestle Kingdom. Donc c'est de bonne guerre. C'est bonne guerre. Il a fait pas assez de côtes cassées, 4,5. On avait dit qu'ils allaient se tirer la boue, hein, la WWE, la New Japan, bah, si ça donne des trucs comme ça, c'est super. Hein. Oui, c'est vrai qu'au final... On va continuer dans cette lignée. Hein. C'est enfin les gagnants. Peut-être la compétition qui manquait à la WWE, hein, depuis longtemps, avec le rachat de WCW, on disait la WWE n'a plus de compétition, et donc du coup, son produit a tendance à se reposer sous ses lauriers. Peut-être que le buzz qu'il y a eu autour du main event de Wrestle Kingdom les pousse effectivement à faire de mieux en mieux, de plus en plus fort, de plus en plus grand. Et comme tu dis, Giscal, c'est nous qui gagnons au final. C'est nous qui gagnons au final. Hein. Si ça les pousse à faire des cartes comme celles qu'on a eues dimanche à chaque pay-per-view, on est en droit d'espérer de belles choses pour la suite et pour Mania qui arrive. Et du coup, Irem. Oui. Qu'as-tu pensé de cet affrontement smackdownien ? Eh bien, que la tragédie grecque annoncée dans le supplément SmackDown n'a pas eu lieu. Je me suis trompé. Oui, ça n'a pas eu lieu. Le John Cena mégalomane n'est pas tombé. Pourtant, ils ont raconté l'histoire. L'histoire avec ce John Cena qui prenait la pause là, enfin, qui bradait les muscles et c'était. Brader ses muscles. Allez, prenez 30%. Moins 40%. Voilà. C'est les soldes d'hiver. Mais sinon effectivement ça fait partie de ces matchs-là que si tu regardes une deuxième fois, bah tu vas pas faire une deuxième pause clope. Tu le regardes évidemment du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé enfin, vraiment d'une fluidité. Enfin, Ça, ouais, c'était vraiment 25 surtout. minutes non-stop quand le truc se termine. Enfin, tu te dis pas. Enfin, limite, si t'avais ton verre à la main, tu regardes au bout de 25 minutes et il y a toujours le même niveau. Putain, le verre est toujours rempli au même niveau. Ou alors, c'est-à-dire que quelqu'un te l'a re-rempli, Inside, peut-être. tu confirmes? Tout à fait, exactement. C'est étonnant d'ailleurs. Ou alors vous Tu étiez déjà risquais quoi pendant bourré un et du coup moment? vous avez oublié votre verre. Non, il y Ouais, avait tout toujours quelqu'un simplement. pour le remplir. Ouais. Mais voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Et celui-ci Non, en est un. exactement, c'est vrai. Des matchs qui J'étais captivent comme ça. entièrement sobre moi hein, pendant ce visionnage de l'Uruguay. Ah! Je tiens à le préciser. Moi Écoute, aussi. Ringside, félicitations. Voilà un autre signe qui ne trompe pas. Je suis à mon deuxième jour de sobriété. Avec ketchup anonyme. Never give up. Hein. Là, tu me fais penser, je vais au frigo. Ah. Rafa, mon cher Rafa, Bon alors. bah, je passe en dernier, qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, c'est vrai que c'était un extraordinaire match, et pourtant, Dieu sait que je faisais partie de ceux qui avaient une petite réserve. On en a déjà eu trois quand même en 2016. Il me semblait que la rivalité était à peu près. On pouvait difficilement raconter plus. Bah, putain, je suis vachement content de m'être trompé parce que c'était extraordinaire. Ouais, John Cena, il en fallait. Il n'avait pas besoin de ça pour gagner ses galons. Mais ouais. Vers ton idole extraordinaire et puis AJ Styles, ouais, bah putain, qu'est-ce qui nous aurait manqué s'il était pas venu à la WWE? Qu'est-ce qui nous a manqué? Putain, pourquoi il était CM Punk, tout ça, parce que bordel de merde, ça aurait été bien. Et ouais, non, c'était vraiment très bien. Et franchement, pour la comparaison avec le Wrestle Kingdom, pour la même durée Okada Omega, tu avais le match Universal et le match de WWE Championship, Je donc veux bien tu faisais échanger. deux en un. Ouais, donc en fait, si tu Et cumules, ça fait 10 étoiles, quoi. Ouais, Donc quoi, on fait voilà. vraiment Ouais, c'est des affaires ça. avec John Cena. Hein. Et oui. Ouais, Il non, puis brade. Il brade il tout. Brade, il ouais. brade. Brade les Ce matchs. qui, à mon avis, moi j'ai vu le match de Wrestle Kingdom sans rien connaître de la New Japan, et ce qui manquait d'après certains qui ont eu des retenues un peu plus importantes que ceux qui ont mis 6 étoiles, c'est finalement le nom du vainqueur. Et bah là, je trouve que sur ce putain de match, finalement, c'est très bien que John Cena ait gagné et pris la ceinture parce que ça fait des matchs plus marquants quand même quand une ceinture change de main, surtout pour un 16e titre. Et on aurait eu le même match, exactement le même, avec AJ Styles qui finit par gagner, ça aurait pas eu la même saveur. Un retain, c'est quand même pas aussi Ah, y a explosif, donc ouais, un très bien degré, c'est écrit. différent. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Peut-être qu'on n'aurait pas. Bon, moi, c'est évident que j'aurais pas vibré de la même façon. Mais enfin, je pense que c'est un point qui est important parce qu'un match comme ça qui se termine sur un retain, c'est vrai que c'est peut-être moins le climax quoi, que ce Bah, que ça a été. surtout là, c'est il gagne la ceinture pour le 16e C'est le titre, il 16e. égalise le record, donc c'est historique. Et puis, C'est vu exceptionnel. le passif entre Styles et Cena, si la rivalité doit continuer, il fallait que Cena ait une victoire. Ceinture Donc, remise par l'arbitre Robinson en plus. puis Ouais, ceinture Mimi remise par Flair. Little Nate, ouais. Ouais. Et ça c'était une belle image d'ailleurs. On a vu hein, quand il lui remet la Il lui glisse ceinture, un petit mot. il lui glisse un petit mot à l'oreille, il le félicite. Et pendant ce temps-là, t'as AJ Styles en dessous là qui, au lieu de vendre comme trop souvent, enfin justement de pas vendre comme les fins de match comme trop souvent, les mecs sont inanimés au bord du ring, ils bougent pas. Là, tu voyais AJ Styles qui. Pendant que Little Nate, là, qui félicitait Cena, tu voyais Styles qui était là encore tout agonisant, mais qui essayait d'attraper un peu la jambe de Cena. Enfin, c'était même l'image de fin était super. C'était vraiment du grand art tout ça. Et du coup, est-ce qu'il nous restait encore assez d'émotion après tout ça pour le Rumble match quand même, le L'émotion, gros je sais morceau de la pas, mais à soirée. boire, oui, puisque voilà. À boire, il nous restait des choses à boire, mais. Il nous restait quand même un sacré morceau. Et mine de rien, tu te dis que presque même le Rumble match, c'est délicat de passer après un tel chef-d'œuvre. Et pourtant, il va falloir parler de ce Rumble match où il s'est passé plein, plein de choses. Puisque, voilà, on l'a dit, hein, cette année, les entrées étaient, bon, techniquement, après, je n'ai pas chronométré toutes les entrées, hein, mais elles étaient censées être plus longues. Donc, nous avions un match qui allait durer, bah, du coup, minimum 1 heure, hein, parce qu'il y avait 2 minutes entre chaque entrée. Ben les entrées étaient plus longues, oui, Enfin, les, ça. oui, pardon, les intervalles entre les entrées, Ouais. parce que les entrées aussi étaient plus longues, en effet, avec C'est pour ça, en fait. cette Ouais, rampe de 3 km. mais moi j'ai sous les yeux un chronométrage du temps entre chaque entrée, chaque buzz. Et ouais, ça va entre 1 minute 30. Il y a une entrée à 1 minute 31 après la précédente entrée, donc pas 2 minutes, mais 1 minute 30. Et ça va même jusqu'à 2 minutes 58 secondes. Ah, les salauds! Sacré écart! Donc, hein. Ah, les tricheurs! Ouais. Ouais, d'accord. Ça. Ouais, mais bon. Bon, après, on sait de toute façon qu'ils calibrent un petit peu leurs entrées en fonction aussi de spots importants qu'il peut y avoir dans le match. Donc, bon, c'est vrai que c'est compliqué hein, parfois de tenir, mais c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait un tel gap. Ouais, moi non plus, mais c'est en regardant les stats. Du fact-checking par l'amiral Armbar. Voilà. C'est le fact-checking de l'amiral. Mais il y a des meilleures personnalités. Je récupère ça d'un site, j'ai pas chronométré tout, hein. J'avais pas que ça à faire aujourd'hui, mais bon, a priori, ça a l'air plutôt solide. Je pensais que tu avais revu tout le Rumble et chronométré. Bah, t'as revu quand même le match des Cruisers, donc t'as du temps à perdre. C'est 10 minutes, ça va. Il y a 10 minutes. Dévouement. Bon, alors, en plus, j'ai pas pris mon verre d'eau parce que je vais en avoir besoin. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vous propose. Non, mais bon, je vais essayer quand même parce que c'est compliqué de faire 5 points. Mais bon, on va faire un résumé grossier pour nos auditeurs de tout le match. Après, ce que je vous propose. Ce que je vous propose, c'est de nous donner chacun vos deux meilleurs moments du match. Puis on va essayer de couvrir comme ça l'ensemble du Rumble, de ce qui s'est passé. Donc c'est parti. Alors on va commencer avec Big Cass en numéro 1, flanqué par Enzo Amore, qui se permet une des plus longues promos d'entrée du Rumble de l'histoire, je pense. Mais bon, ils sont tellement over que voilà, donc ils ont bien le droit. Jericho est numéro 2. Jericho contre Big Cass, donc le duel d'entrée. En 3, c'est Kalisto qui vient faire des Lucha Things. Mojo en 4, Mojo qui est super hype, hein, qui, je pense, lui, pour le coup, a le record de la descente de rampe de 7 km, hein, puisqu'il l'a couru en sprint incroyable. En 5, nous avons le gentleman extraordinaire Jack Gallagher, avec peut-être un des plus beaux fous rires du Rumble, avec son parapluie et le Shiro Shot sur Jericho avant de l'ouvrir et de le faire tourner entre ses jambes. On a Marc-Henri en 6, le local de l'étape, qui commence à faire un mini-ménage dans le ring, avant que, bien évidemment, Braun Strowman arrive en 7. Et là, ça commence sérieusement à se vider avec, du coup, les éliminations de Mojo Rawley, de Big Cass et surtout de Kalisto, qui l'envoie voler comme s'il faisait 5 kilos, mais c'est juste incroyable. Face à face de titan entre Marc-Henri et Braun Strowman, évidemment, et Braun qui élimine Marc-Henri. Juste au moment où Sami Zayn arrive en numéro 8, c'est la vengeance, Sami Zayn contre Braun Strowman dans le ring. Big Show arrive en numéro 9. Pendant ce temps-là, on notera que Jericho se dort la pilule hein, hors du ring depuis quasiment le début du match. Braun Strowman, qui après avoir éliminé Marc-Henri, élimine le Big Show, absolument inarrêtable. Et nous arrivons au numéro 10, celui qu'on attendait tous, Ty Dillinger. 10. La foule est super contente. Ils l'ont fait. On voit des petits plans de caméra sur des gens qui font 10-10 mais qui se regardent en mode c'est qui ce mec là, mais bon c'est quand même toujours marrant. On a James Ellsworth sur numéro 11, donc là on commence à rentrer un peu dans la période de transition du Rumble. James Ellsworth numéro 11 qui n'ose pas rentrer, tellement que du coup ça va jusqu'au numéro 12, Dean Ambrose, qui fait genre du coup qu'ils vont faire un peu équipe avec James, il lui dit vas-y on rentre à 3, 1, 2, hop, James il va tout seul. Fin de Dean Ambrose, le public rigole, surtout qu'Ellsworth du coup arrive en face de Braun Strowman qui est le choke slam directement hors du ring, spot absolument incroyable pour le pauvre James Ellsworth. Baron Corbin, le baron, arrive en numéro 13 et il se fait bien remarquer hein, parce qu'il y a déjà pas mal de monde dans le ring. Et là, c'est le gros remplissage avec Kofi Kingston, Le Miz, Sheamus, Big E, Rusev, Cesaro, Woods en numéro 20, mais on continue. Bray Wyatt, Apollo fucking Crews qui est là aussi, on ne le savait pas. Il y a trop de monde dans le ring, on en est à 22. Qui dit Apollo fucking Crews? Non, mais c'est... On continue. T'arrêtes pas. Et du coup, Sheamus, donc là on se dit il y a vraiment trop de monde dans le ring, je pense qu'ils sont au moins une bonne douzaine. Du coup, Sheamus et Cesaro qui éliminent tout le New Day d'un coup, assez dingue. A new fucking day. Et du coup, juste après cette élimination, Zizani, Sheamus qui essaye d'en profiter pour sortir Cesaro, mais c'est Jericho qui fait son entrée dans le match, malgré le fait qu'il soit numéro 2, et qui du coup élimine les deux comparses, qui se toisent un petit peu hors du ring, pendant que l'action continue évidemment. On en est au numéro 23, et c'est Orton qui arrive avec sa musique vintage, RKO pour tout le monde, dont un magnifique RKO sur Sami Zayn qui tentait un crossbody. On remarquera le spot où Sami Zayn quand même qui prend, qui fait pas juste un saut vers Orton pour prendre le RKO, il fait vraiment un crossbody où il se tourne sur le côté. Donc magnifique spot. Ziggler en numéro 24, Harper en numéro 25, toujours pas de méga star, il reste plus que 5 places. Le ring qui se re-remplit beaucoup après ces éliminations-là. Donc il y a Luke Harper qui élimine Apollo fucking Crews, mais qui tente à ce moment-là du coup de s'en prendre à Orton. Bray qui veut les séparer, mais Harper, il en a marre. Sorte de face turn de Harper qui du coup pousse Bray Wyatt, lariat sur Bray Wyatt, Sister Abigail sur Bray Wyatt, non! Sister Abigail sauvée puisque Orton place son RKO sur Luke Harper. C'est à ce moment-là que le premier séisme arrive dans le Rumble puisque c'est Lesnar qui arrive en numéro 26. Les choses sérieuses qui commencent, alors là c'est German Suplex pour tout le monde, élimination à l'appel, Ambrose et Ziggler qui sortent un petit peu dans l'anonymat sous les lariats de Brock Lesnar. Tout le monde est au sol, il y a même le Miz qui prend des F5, Orton qui prend F5, hein, il a l'habitude lui aussi. Et c'est Enzo qui arrive en 27. Donc on pensait, tout le monde appelait Goldberg et c'est Enzo qui arrive en 27. On voit Enzo qui arrive la bave aux lèvres et qui commence à danser autour du ring. Là, évidemment, on sait que Enzo va mourir. Donc il rentre, lariat qui décapite Enzo par-dessus la troisième corde, c'est fini. Et Goldberg arrive en 28, spear sur Lesnar. Lesnar qui se fait sortir immédiatement par Goldberg, donc qui a tenu 20 secondes peut-être à peine, incroyable. Donc Goldberg qui sort Lesnar encore une fois, Jackhammer. Il continue, Jackhammer sur Sami Zayn, Spear sur Corbin, sur Orton, sur Wyatt, tout le monde en prend. Et là, c'est le Taker qui arrive en numéro 29. Donc là, on craint pour l'entrée du Taker, hein, vu la longueur de la rampe. Mais le Taker a pensé à tout, puisqu'il se téléporte dans le ring, derrière Goldberg. Donc là, c'est le face-à-face Goldberg-Taker, tension, frisson dans le public. Tout le monde qui se met à attaquer les deux hommes pour éviter la confrontation physique. Là, Goldberg qui sort Rousseff, Taker qui sort Corbin. Et c'est à ce moment-là que du coup le Taker en profite pour éliminer Goldberg. Et oui, le papy Taker qui sort Goldberg. Et on arrive au numéro 30, alors que les chants Finn Balor, Samoa Joe retentissent dans le public. Tadam, tadam, c'est la musique de Roman Reigns qui retentit. Roman Reigns numéro 30, la foule est en liesse, la foule est électrique. C'est donc Roman Reigns qui arrive pas à grandes enjambées parce qu'il est blessé quand même de son match. Il arrive confrontation Roman Reigns contre Taker, à toi, à moi, des droites, des gauches. Reigns qui élimine l'Undertaker. Oh my god, un regard entre les deux qui en dit long, on pourra en reparler. Et donc le Final Four, c'est Roman Reigns, Orton, Jericho qui est là depuis le début, numéro 2, et Bray Wyatt. Reigns qui élimine Jericho sous les vivas de la foule, Orton et Bray ensuite qui s'allient contre Roman Reigns, forcément DDT d'Orton sur Roman Reigns, et du coup Bray qui attrape Roman Reigns pour l'éliminer, mais non, Roman Reigns qui se débat, Roman Reigns qui est trop fort, qui lui reste de l'énergie, et il élimine Bray Wyatt encore une fois devant une foule en liesse. Le face-à-face final, c'est Roman Reigns contre Randy Orton. Roman Reigns qui tente son spear directement cueilli par un RKO de Orton qui n'a plus qu'à finir le travail. À la stupeur du public, Orton qui donc balance Roman Reigns par-dessus la troisième corde. Victoire de Orton au bout de presque 1h10 de Rumble. Je n'en peux plus. Écoutez, aidez-moi maintenant. Ça s'appelle révisionnisme ce que tu as fait là, Giscard. Je vais, et c'est... je vais c'est... donner je sais... la parole. Oui. Je vais donner la parole à Raphaël qui passera en premier cette fois. Précisons tout de suite hein, pour nos auditeurs que les opinions de chaque rédacteur ne reflètent pas les opinions générales de Catch-Up. Ou ce qui s'est passé réellement. Des faits alternatifs. On encourage nos auditeurs qui n'ont pas vu le Rumble à quand même le regarder et à écouter les réactions de la foule notamment. Bon alors si tu avais deux moments et puis un petit commentaire d'ensemble sur la victoire, le booking. Ah ouais, moi je la trouve assez difficile ta règle parce que justement j'ai beaucoup aimé ce Rumble match. Moi j'ai du mal à te dire, déjà je passe le premier parce qu'il n'y a pas tant de moments que ça qui ressortent en fait. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une cohésion globale et c'était un bon show, mais alors qu'est-ce qui m'a particulièrement plu, je ne saurais dire. Peut-être, moi j'ai bien aimé Gallagher qui m'a fait rire quand même et j'ai trouvé ça assez intéressant au final. Peut-être que je me trompe, mais sur l'avenir que la WWE voit en ce mec, ça va au-delà de la division Cruiserweight parce qu'elle a choisi un mec pour mettre là-dedans dans le Rumble et c'est lui. C'est pour son côté comique, évidemment, ça aurait pas été Mais bon, on aurait pu avoir Brian Kendrick dans le Rumble, ça aurait pas été choquant. Ouais, on aurait Perkins, pourquoi pas. On aurait... ouais. Ouais, voilà, donc c'est bon signe pour lui, je pense. Oui. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? Je vais citer le petit spot de Kofi qui était sympathique. Oui, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Voilà, ou Baron Corbin. Alors certains disent que c'était un peu long, c'est vrai, mais du coup on a bien vu Baron Corbin qui l'a regardé à Kofi en mode me saute pas dessus, là je t'ai vu, je t'attends. Et voilà, et donc nous avons la très belle licorne de Hank. Attention à ce que tu dis. Oui, <c'est... Ouais. rire> Pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Tu l'appelles comme ça, donc. Très bien. Voilà. Donc, c'est les deux moments qui me viennent à l'esprit, mais globalement, j'ai trouvé ce Rumble vraiment très intéressant et très bien écrit. On en a fait beaucoup, beaucoup sur les 3 mégastars. Elles ont été là, elles ont eu leur utilisation qu'on peut trouver critiquable. Moi, j'ai trouvé pas ça mauvais parce qu'au final, elles ont eu leur place, elles ont fait le ménage, elles ont fait ce qu'on attendait. Brock Lesnar suplex, Goldberg des Spears, etc. Au final, elles ont su sortir au bon moment. Franchement, tu l'as dit, le dernier carré, Orton, Wyatt, Jericho Reigns, c'est des mecs qui sont ouais. là, qui ont passé l'année à être là, qui ont bien bossé. Et au moment où ça devient important, Goldberg, Lesnar, l'Undertaker, on a dit non, là, on est face, c'est les vieux, ils ont fait vendre l'affiche, mais voilà, ils ne sont pas là pour gagner, heureusement. C'est pas le Final Four que beaucoup auraient pronostiqué, ça. Ouais. Très bon non, point, non, et le Final Four est plutôt pas mal, moi c'est aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un vainqueur totalement inattendu. On savait pas trop ce qu'on allait avoir comme vainqueur, et par contre l'utilisation de Roman Reigns, effectivement, je pense qu'on va en discuter. Pour moi, c'est clairement la première fois qu'il joue ouvertement avec sa heat et qu'ils ont fait exprès de le mettre là pour qu'il se prenne la bronca, qu'il se fasse détester. En plus, il sort Jericho, l'Undertaker, donc faut pas déconner niveau quand même toucher à des icônes. Donc voilà, je m'arrête là, on débattra même. Après, mais... Ouais, non, cool. Il look strong. Waouh. Et oui, c'est ça qui est bien. Allez, on va donner la parole à Hank, que j'ai vu grimacer sur les derniers propos. C'était qui déjà les quatre derniers? C'était Orton, Reigns, Jericho et Wyatt. C'est vrai, Wyatt. Moi, je trouve que le Rumble était... super bien jusqu'à genre ce carré final qui du coup m'a un peu cassé ma hype. En fait, c'est comme si je m'étais pas rendu compte que du coup on était arrivé à 4, et au moment où Michael Cole ou Corey Graves dit voilà, on est au 4 au carré final et machin, et je fais genre bon allez, moi le seul que je voyais où j'aurais été content, c'est Jericho à la limite. Mais bon, il a déjà sa ceinture et tout ça, donc ça aurait été compliqué. Mais enfin, quoique, il y en a qui se permettent d'avoir plusieurs ceintures. Enfin, qui pourrait avoir plusieurs ceintures, mais bref. Donc, du coup, les deux trucs, voilà, c'est les deux trucs que j'ai retenu. J'ai retenu Braun Strowman était magnifique. Braun Strowman était génial dans ce match. Il a démonté tout le monde. C'était pratiquement le meilleur moment du match. C'était à partir de l'entrée de Braun Strowman jusqu'à la sortie de Braun Strowman, où là, c'était vraiment spectaculaire. Et puis, quoi d'autre? L'arrivée de Reigns, moi, ça m'a pas embêté parce que je sais pas pourquoi je m'étais peut-être pas dit, j'avais pas en tête genre ah c'est super important le 30e machin, alors que normalement c'est super important, mais du coup je m'étais peut-être pas rendu compte qu'on était au 30e, et donc voilà. Par contre, je crois que t'as dit que Goldberg il s'est pas fait sortir par Corbin plutôt? Ah non, il s'est fait sortir par le Taker, non? C'est Strowman qui s'est fait sortir par Corbin. Ah, c'est Strowman qui a sorti Corbin. Ça, voilà, c'est un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans ce match. Il s'est fait sortir par Corbin, mais avec des grosses assists de ouais, voilà, Sami Zayn. Zayn venait de lui faire un hell of a kick, je crois. Ouais, Sami Zayn, et je ne sais plus, il y en avait un troisième, et Corbin a fini le travail. On retiendra ça, quoi. On retiendra que... Ouais, ouais. Je suis content pour Corbin, parce que je suis persuadé qu'il peut... Il peut faire de grandes choses. Et du coup, ouais, le match est vraiment bien. Ça manquait peut-être de surprise. Ça manquait vraiment de surprise dans ce match. Ouais, à part Ty Dillinger que tout le monde attendait au dixième, mais tout le monde l'attendait tellement que du coup c'est devenu genre non, ça va pas se passer parce que tout le monde l'attend. Mais ça manquait de surprise. Je me disais il y avoir au moins une autre personne d'NXT quoi. Ou alors peut-être un vétéran ou autre. Mais enfin je veux dire hors de ce qui était programmé. Et donc voilà, et puis les surprises, bah, c'était Apollo Crews, c'était Jack Gallagher. C'est bien pour eux. Hein. Moi, Jack Gallagher, il m'a fait marrer, mais ce que je veux dire, c'est qu'à sa place, tu vois, j'aurais pas dit non de remplacer ça par Samoa Joe. Mais donc voilà. Et dernier truc, ouais, Orton qui gagne. Par contre, c'est là. J'étais pas négatif, mais c'est quand même la déhype totale. C'est à la fin t'imaginais plein de trucs super excitants et à la fin on te dit c'est Randy Orton, je fais oh, ok. non, faut pas voir ça comme ça, Hank, faut voir ça de l'autre sens. C'est pas Randy Orton qui a gagné, c'est Roman Reigns qui n'a pas gagné, et ça c'est hype, voilà. Mais ouais, non, du coup j'étais enthousiasmé pendant les trois quarts du match. Vers la fin j'étais genre bon, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire, et à la toute fin j'étais genre perplexe. Ça restait très très agréable à regarder, en tout cas. C'était vraiment bon de bout en bout, avec ce passage exceptionnel de Strowman. Voilà. Ouais. À ringside, est-ce que tu vas tenir ma règle des deux meilleurs moments? Bah, il m'a piqué le. Mais il a piqué tous les meilleurs moments de tout le monde, Hank. Oui. De Strowman, oui. Merci, mec. Voilà. Merci d'être passé. Et là, il repart, tu sais. Alors, attendez, parce que vous allez me faire oublier les deux que j'avais trouvés. Concentre-toi, ringside. Donc, oui, alors Corbin qui limite Strowman. Donc, ça, bah, j'ai trouvé ça sympa parce que Corbin, il sait se mettre en valeur quand c'est important dans les moments qui clashent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Luke Harper là, qui fait son face turn là, ouais, au milieu du ring. Il a le tornado clothesline là, sur Bray Wyatt. Ça, j'ai trouvé ça super. Et du coup, je vais prendre Lesnar qui arrive et qui met ses suplexes à tout le monde. Là, le monstre Lesnar. Moi, j'aurais préféré que ce soit lui qui gagne parce que j'avais voté pour lui. Sinon, rapidement sur le final, Orton, moi, ça me va pas du tout. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait gagner plutôt Bray Wyatt. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Randy Orton? Il est vieux. Et ça fait deux fois qu'il gagne, il est nul. J'aime pas Randy Orton, j'ai déjà dit. Il cristallise tout ce qui est pas bien dans la WWE. Et là, il voilà encore un Royal Rumble, un finish de merde du Rumble, Randy Orton, voilà. Calmez-vous, monsieur. Voilà. Calmez-vous, monsieur. Molo. J'aurais même préféré que ce soit Roman Reigns qui gagne, pour vous dire. J'ai quand même bien aimé cette espèce de troll ultime là, sur le public. Les gars, non, c'est Roman Reigns, les gars, c'est Roman Reigns le plus fort, c'est tout. Ouais, vous attendez quelqu'un, non, c'est Roman Reigns. Je sais pas, ça devient mystique là, cette relation entre la WWE et son public. Je suis curieux de voir la suite, mais Randy Orton, non, ils ont qu'à faire gagner Bray Wyatt. Pourquoi Randy Orton? Écoute. Ils sont peut-être dit que c'était plus sympa de faire gagner le titre à Bray Wyatt, peut-être, que l'inverse, mais bon. Ouais, mais je vois pas qu'est-ce que ça lui fait gagner à Randy Orton. Il a déjà eu sa chance. Bon, écoute, moi, tu sais, j'avais pronostiqué l'Undertaker, mais quand je l'ai vu enlever ses bretelles pendant le match, je me suis dit que finalement, ça me dérangeait pas qu'il gagne pas. Parce que bon, vraiment... Quand il était en train de montrer ses tétons, là, c'était joli. Je sais plus à l'arrivée de qui il y avait... C'est à l'arrivée de... peut-être de Reigns, parce que je vois pas... Ah oui, il se faisait face à face et du coup Reigns était à l'extérieur, envoyait un plan de Reigns de dos et envoyait Undertaker qui monte ses tétons. c'est pas une belle image. Ouais, mais merci de nous rappeler ça, j'avais oublié. Il avait pas l'air en forme. Il a que 2 mois hein, mais 3 mois pour se remettre d'aplomb, mais non, même pas 2 mois précisément. Ça va être dur. Hein. D'ailleurs, Irem. Ouais. À toi. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'élimination de Strowman par le Baron. C'était un bon move, j'ai trouvé, pour le Baron. Allez. Et ce que j'ai aimé également, c'est Luke Harper qui attaque Bray Wyatt. Et du coup, à ce moment-là, on met en place ce qui va amener un peu la séquence finale, hein, puisque Orton, du coup, venge son papounet en s'en prenant à Luke Harper. Et la victoire, du coup, de Randy Orton. C'est incroyable de se dire, tu te souviens, Giscard, dans le supplément, quand on parlait justement de cette histoire, en fait, on pensait vraiment que le Rumble servirait Oui. à écrire plein d'histoires et que le gagnant serait pas forcément quelqu'un qui est impliqué dans typiquement les histoires de la Wyatt Family. Là, on l'a eu dans le Baba, puisque C'est bien fait tout, flouer. tout va tourner autour de ça, en tout cas, vis-à-vis de Randy Orton. Que va-t-il se passer? Moi, le Final Four, une fois que j'ai fait le deuil de Sami Zayn ou d'autres, voilà, catcheurs, j'aurais aimé être surpris. Voilà. Quitte à ce que ça soit quelqu'un, le fait que ce Randy Orton, ça m'embête pas en soi. Je me dis juste, ils ont grillé une cartouche qui était de faire gagner un outsider, toi. Parce que ça fait des années qu'on nous met des gros costauds qui C'est remportent le vrai ça. Rumble et faire gagner Randy Orton, ce qui m'embête, c'est que je me dis là, ils ont grillé une cartouche, le genre de cartouche qui n'arrive pas souvent. Hein, c'est rare qu'un Une fois par outsider an. du gabarit de Rey Ouais. Mysterio, etc., remporte le Rumble. Et là, je me suis dit, il y avait quelque chose à faire. Puisque évidemment que Randy Orton n'a pas besoin de ça, que l'histoire Non. de la Wyatt Family n'a pas besoin de ça. Bon, par contre, ce qui est. Eh bien, pour l'histoire, c'est que ça va rajouter un élément hyper important pour voilà, l'histoire, la rivalité, enfin la storyline de la Wyatt Family. Mais Pour qu'il puisse bon, exister un peu. on a sacrifié l'attrait du Rumble, enfin tout ce qui voilà le ouais, l'attrait du Rumble, cette place quoi C'est pour vrai. l'histoire. C'est vrai qu'en plus, si tu ne fais gagner ni Goldberg, C'est ni ça. Taker, ni Lesnar, ni Strowman, tous les Même mecs Jericho, qui pour moi était justement qui était annoncé était comme les aussi une quatre très, aurait été favoris, une super idée aussi au il attaque service de l'occasion. l'histoire vis-à-vis de Kevin Owens, ça aurait été super. Moi, je trouve justement, et en plus qu'il est titre, j'aurais trouvé ça bien que les deux se retrouvent à WrestleMania avec une sorte de winner takes all. Hein, enfin, toi, vraiment un enjeu. En tout cas, l'histoire était déjà tellement bien C'est écrite. du level de Roman Reigns, Non, là, mais ce que tu l'histoire était demandes. tellement déjà bien écrite, pourquoi pas? Mais là, effectivement, voilà, c'est un peu ce que je. Oui, Ringside, je vois ton doigt levé, vas-y. Parce que si on prend en l'état, en faisant abstraction de l'Elimination Chamber, le main event de WrestleMania qu'on a, c'est Randy Orton contre John Cena. Oui, mais tu fais quand même abstraction de l'Elimination Chamber, donc oui. Peut se On passer, l'aura pas, je passer pense. plein de choses dans l'Elimination Tu fais. Et Chamber. puis, tu fais Alors qu'on aurait pu avoir. Tu fais attention de tout peut se passer, même en weekly. Donc, donc oui, non, oui, si tu prends là comme ça, tu fais une image, tu projettes dans l'état, John Cena versus Randy Orton. les gars, la DeLorean, le moteur tourne, hein, on peut y aller là, c'est bon, 2009. Y a-t-il Hank qui aurait pu être le main event? Non, mais il y avait Raph qui élevait le doigt. Ah C'est bon, pour moi ça je sais que. pas, l'image de Raph est figée chez moi. Ouais, mais moi Ah bon? j'arrive à trouver les frames où il En fait, est. c'est moi j'ai l'impression que ça fait 45 minutes qu'il essaie de poser une question parce que son image est Vas-y, comme vas-y, ça. Raph. Non, moi j'ai pensé à quelque chose. Est-ce qu'on est vraiment Ah. sûr que le gagnant de SmackDown doit aller choper le WWE Championship parce que sinon Kevin Owens, Randy Orton, moi Tout à fait. Ça n'a ça pas pourrait été. plaire. Surtout que Oui. Pourquoi pas? Kevin Owens a l'air d'être un peu plus léger en termes de programme. Non, je pense que le Sénat Orton, faut toujours se tromper dans les pronostics, mais je pense qu'on l'aura pas là. Il y aura Je forcément, pense pas. ou alors les deux plus AJ Styles pour un triple threat ou quelque chose, mais bon, je pense pas. Triple Les threat. deux vendant des affiches, il faut les mettre chacun dans un autre match. Voilà. Allez. Sinon, on aurait pu juste mettre Finn Balor à la place de Roman Reigns et on aurait eu Finn Balor contre Eh mais Kevin bon, Owens. s'il est Ah, c'est pas, vraiment. s'il est Si pas, ça, il je est dis rien. pas, il est peut-être Non, encore blessé, on sait pas. non, Sinon, non. il Et aurait été là, hein. juste là par rapport au spot, autant des gars comme Jack Gallagher, non, c'était bien, mais il y avait des spots type plutôt Enzo, toi, où effectivement, là, tu pouvais mettre. Mais il était pas censé être là en plus. Qui ça? Écoute, il Enzo. n'avait pas été annoncé. Oui, Ah non, ça fait il partie y avait que Cass. Oui, voilà. ça fait Oui, non, mais partie c'était des six qui n'ont pas été annoncés. surprise. Oui, il y en avait huit. Il y en Il y avait en avait huit qui n'étaient huit qui pas n'étaient pas annoncés. annoncés. Et voilà. À Après, j'ai part l'impression qu'il y a eu Ziggler, plein on n'a pas eu de d'annulations, surprise. en fait. On a l'impression que c'était genre, Ah merde, c'est annulé. Bon, bah on met Apollo Crews. Ah merde, lui aussi, c'est pas possible. Non, bon, mais bah, on met... C'est vrai que cette séquence-là, au milieu du Rumble, c'était plat d'une platitude. C'est un peu long. Ah ouais, que t'as long, tout le New Day qui entre et tous les mid-carders là. C'était vraiment plat. Le ring, juste avant que les Snars arrivent, ils ont rempli le ring. C'était. On a attendu pendant longtemps, en fait. On attendait les surprises. Et puis, c'était que du jobber qui rentrait, que du jobber jusqu'à Lesnar. Et puis, après, tu sais que c'est trop tard. Pas du jobber, mais... Non, mais on a eu 12 personnes en même temps dans le ring, à un moment donné. Ouais. C'était 12 sur le ring, à un moment donné. C'est le plus haut chiffre. Ouais, c'est ça. Pendant 10 minutes, il y avait entre 10 et 12 personnes. Donc, ce qui était énorme pour pouvoir, comme tu dis, que Lesnar débarque et en expulse bien. Casse tout, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, un Final Four que moi, j'ai beaucoup aimé parce que une fois que tu as accepté ce Final Four... Et que tu te projettes, du coup, tout pouvait se passer à ce moment-là. Enfin, c'est vrai que là, c'était une grosse inconnue. C'était une configuration que j'attendais pas du tout. Et j'ai accepté à ce moment-là. Il fallait accepter rapidement, hein, évidemment. Oui, c'est tout de suite. Et là, ok. Et moi, j'ai adoré que Goldberg sort Lesnar, voilà, comme ça, en 2 secondes. Allez, l'amiral, parce qu'il n'a pas eu le droit de donner ses deux meilleurs moments, l'amiral. Oui, c'est pas grave. Au meilleur moment, de toute façon, ça a déjà été dit, donc j'ai plutôt continué dans le fact-checking, hein, parce que je suis un rebelle. Hein. Donc, celui qui a fait le plus d'éliminations, c'est Braun Strowman, en fait. Hein. Il a éliminé 7 personnes. 7, hein, c'est le record Rumble-là. Sachant qu'il est suivi après par le Taker, qui en a éliminé 4. Et après, on a ex-aequo Goldberg, Roman Reigns et Brock Lesnar, qui en ont éliminé 3 chacun. Okay. Donc, ça, c'est le niveau élimination. Au niveau timing, c'est Jericho qui a passé plus d'une heure, quasiment 61 minutes dans le match. 61 minutes. C'est ça. Ouais. Mais il a passé que 29 minutes concrètement dans le ring. Il a fait une Roman Reigns finalement, non ? Exactement. Oui, mais ça va parce que c'est Chris Jericho, c'est bon quoi. C'est pas grave. il était debout au moins lui. Ouais. Il était en train de se balader. Pas tout le temps. On l'a vu à un moment, sur le tablier du ring, étalé comme ça, dans le champ de la caméra, il bougeait pas, il a chuté comme une merde. J'ai adoré tout le jeu d'acteur, on va dire, de Jericho pendant Rumble, notamment quand t'as Braun Strowman qui débarque. Ah ouais, ouais. Regardez cette image, Jericho qui est sur le coin droit de l'écran, il fait une tête juste effrayée, c'est magnifique. Encore du grand art de la part de Y2J. Après, c'est Sami Zayn qui est resté 47 minutes dans le ring tout le temps. Donc, chapeau à lui. Et ensuite, c'est le Baron avec 33 minutes. Le Miz aussi, 33 minutes. Voilà, ils ont pas mal mangé, ces deux-là. Ouais, le Miz, d'ailleurs... C'est un gros punching ball. Le Miz a pris quasiment tous les spots de tout le monde, je pense. Il a pris tous les spots. Et d'ailleurs, je m'étais noté dans un de mes meilleurs moments, c'était que le Miz a mangé un Deep Six de Baron Corbin. Mais alors, c'était un Deep 12, le truc. C'était incroyable. Magnifique. Il l'a fait tourner dans les airs. C'est superbe. Magnifique, ce spot. Il y a Cesaro qui a fait tourner tout le monde aussi. Ouais, il a fait tourner les serviettes. Dans le mal. Il a failli tourner Sheamus. Il a fait faire tourner Sheamus, qui, du coup, est la cause de la colère de l'Irlandais, après. Mais sinon, moi, j'ai pas aimé particulièrement le fait qu'on ait les 3 mégastars, donc Goldberg, Lesnar et Taker, qui ont été là chacun entre 3 et 5 minutes, et qui arrivent tous en pack sur la fin, sur les 4 derniers spots. Quoi. Ils ont tout gardé pour la fin. Ça, c'était, c'était bien, ça. Parce qu'ils ont fait leur truc, justement, on en parlait tout à l'heure, ils ont pas mis trop d'ombre sur le Rumble. Ça empiète sur le match. Sinon... Oui, mais ça fait vraiment factice, quoi. Tu vois, si on part du principe en kayfabe que chacun tire au hasard leur numéro, quelle est la probabilité Teddy Linzer en 10e, c'est pas très. Ouais, il a eu trop de chance, Teddy Linzer. C'est son pouvoir magique, il a un gimmick. Numbers don't lie. Exactement. Après, sur la storyline Goldberg, les stars, c'est plutôt bien joué, je trouve. Ouais, j'ai adoré. Ouais, franchement, sachant après, que c'est vraiment le Taker qui est resté trop longtemps dans le ring, quoi. Il faut savoir quand même que l'élimination de Lesnar, qui est complètement dingue. Sachez que depuis Mania de l'année dernière, Lesnar a catché, parce que je suis allé voir sur internet, il y a un mec qui a fait le travail. 10 minutes, non ? Il a catché 17 minutes et 39 secondes en cumulé depuis le dernier WrestleMania, dont 12 contre Randy Orton. Ça vous donne. Oui. Donc, il en reste 5 minutes et 39 pour le reste. C'est bien payé quand même à la minute. C'est pas mal. Brock Lesnar. Et puis, alors, par contre, contre Goldberg, il a un record qui dépasse même pas les 2 minutes. Là. Ça fait 2 années qu'il fait un Rumble de merde. Hein. C'est assez incroyable, c'est vrai. Qu'est-ce que bon, bon, on a quasiment tout dit. On a parlé à moi, en effet, moi aussi. Braun Strowman, c'était mon MVP du match. Je l'ai trouvé incroyable dans ce match. Tout ce qu'il faisait était vraiment bien. Et quand même, si on m'avait dit, moi, il y a un an, que ce mec-là me captivera à ce point-là et qui serait au top comme ça et que ça me ferait pas chier, je l'aurais pas cru. Et il y a notamment un truc, on en a pas parlé, mais il y a Braun Strowman qui a failli se faire éliminer par Sami Zayn et Ty Dillinger à un moment. Et qui nous fait un spot à la Shawn Michaels là, avec les pieds qui s'agitent, et il remonte juste à la force de ses abdos et tout et des bras pour un mec qui doit bien faire 120-130 kilos là, et 2 mètres. C'est juste incroyable comme spot. Il est vraiment incroyable, ce mec, quand même. C'est peut-être le futur big man de la WWE. C'est trouver un sacré talent quand même, parce que le rookie de l'année 2016. Je rappelle, oui. Il n'est pas arrivé en 2016, mais bon. Ouais, mais d'ailleurs, il a commencé à catcher en 2016. Qui est le numéro maudit? Je ne sais pas si vous en avez parlé. Le là, 14, c'est Kofi Kingston. Ouais. Oh, mon Dieu. Eh oui, Kofi Kingston. Ça, c'est non, mais c'est une nouvelle ère sourde. Voilà, on rabat les cartes de la malchance. Bon, on a fait, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez plus rien à rajouter sur ce Rumble match? À part Hank qui fait des 10-10-10. Bon, bah, du coup, on va passer au mot de la fin, parce que c'est une tradition quand même. On peut pas ne pas faire le mot de la fin. Vous connaissez le principe, hein, la note, le top et le flop. Et on va commencer par l'amiral. Boom. Alors, flop, manque de surprise au niveau du Rumble. Ça, c'est effectivement dommage. Quand la surprise, c'est Ted Dillinger, j'étais très content de le voir, mais on s'y attendait tellement que c'était plus vraiment une surprise. Et quand on se dit que c'est Gallagher, la seule vraie surprise un peu fun de ce Rumble, c'est que c'est un peu pauvre. Le top, les deux matchs pour les titres universels et mondiaux. Attends, hein, tu fais deux matchs en top. Mais... Ouais, je suis comme ça. Il respecte. Je suis un rebelle. Ouais. Et la note, un bon 4,5, c'était vraiment une bonne soirée. C'était quoi ça? Je sais pas, c'est pas chez moi. Ah mince, c'est chez moi, c'est chez moi. T'as dit combien, Amiral, hein? 4? 4,5. 4,5, magnifique, 4,5. Alors, allez, ringside. Le top, c'est Jack Gallagher. Parce que j'espère que ça va devenir une grande star, parce que j'ai une photo dédicacée de lui, j'aimerais bien la revendre à bon prix. Le flop, Randy Orton en champion, enfin en gagnant du Rumble, parce que je... Ouais, bah j'espère. Et puis la note, je vais mettre un 4,5 aussi, avec au moins deux points chacun pour les deux matchs, Styles et Cena et Reigns Kevin Owens. C'est parti sur une très grosse moyenne. Est-ce que Raphaël va faire perdurer tout ça? Oh bah oui, ah oui, oui. 4,5 pour moi aussi. En même temps, tu viens de lui mettre la pression. Ouais. Moi, non, mais... Alors là, sans aucun problème, même mon flop, je n'ai pas vraiment de facilité à le trouver. Je dirais peut-être le fait d'avoir foutu les tag teams et le couronnement de Gallows et Anderson en kick-off. C'est un peu dommage. On aurait pu l'avoir dans le show principal, surtout que c'est des mecs qui ont quand même une certaine aura internationale, donc là ça passe presque inaperçu, leur premier titre. Le top, on aurait pu en mettre un paquet, mais on va rajouter une couche sur Cena et Styles, et donc 4,5 sur 5. Moi j'ai beaucoup aimé cette soirée. Je pourrais encore dire plein de raisons pour justifier un peu le choix d'Orton de mon point de vue, mais bon, c'est un peu too much, donc je le mettrai par écrit. Très bien. Hank, mon cher Hank, quelle est ta note, ton top, ton flop? Mon flop, qu'est-ce que ça va être, mon flop? Mon flop, ça va être... ouais, mais j'ai pas envie de reprendre le truc d'Armbar. Mais ouais, mon flop, c'est d'avoir trouvé personne pour remplacer Apollo Crews. Ah, tu parles pas comme ça de Apollo fucking Crews, ok? Oh, c'est salaud. Je suis désolé Apollo Crews, mais non, pas bon, maintenant. Le prêt est mauvais en plus. Pas maintenant, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Voilà, le top. Juste parce que je sais que mes autres tops seront pris par d'autres personnes. Donc du coup, je vais mettre Charlotte. Tiens, je vais mettre Charlotte parce que Charlotte était magnifique. Et j'ai beaucoup aimé ce match. Et j'ai adoré à la fin, même si c'était malencontreux, qu'elle elle se soit coupée la lèvre ou je sais pas ce qu'elle s'est fait. Mais bah, elle a qui, terminé. Bah, c'est sur la descente du coude de Bailey, justement, à la Shawn Michaels, là, hein, qu'elle, je pense qu'elle lui tape un peu dans la mâchoire, là, je pense. Ouais, et puis alors Bailey qui se place mal aussi au moment du saut. C'est plus un moment. Bailey est à terre et en fait, elle se place trop près du poteau et du coup, Charlotte se retrouve. Enfin bref. Mais voilà, Charlotte était vraiment excellente. Le match était. Ça sera pas un des plus grands matchs de l'année, mais voilà, je suis super content que même en kick-off, il y ait cette qualité-là et que les filles aient montré. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, le pauvre Irem, il doit gérer une crise. Donc ouais. Voilà, magnifique, les filles. Et donc, ma note, je vais mettre. Orton, il est à deux doigts de m'enlever un demi-point là. Je vais mettre 4, voilà, je vais être méchant, je vais mettre 4. Parce que un pay-per-view mérite une excellente note quand il se termine sur une excellente note et c'était pas une excellente note. Voilà. C'est recevable. Yerem. Alors moi mon top c'est effectivement de me dire que j'ai peut-être assisté à l'un des plus grands matchs de tous les temps de catch avec plein de en partageant ma passion avec à ce moment-là avec d'autres amateurs donc ça c'était vraiment enfin voilà super moment et mon flop ouais c'est la gestion du roster pour le Rumble, en fait, c'est incroyable de se dire, il était bon ce casting, hein, les 30 qu'on a mis, il n'y a pas eu de choses vraiment qui m'ont choqué, mais il n'y a pas eu de saveur, c'était un plat, quoi, c'est vraiment trop plat. Y a rien qui t'a choqué, ni dans le bon, ni dans le mauvais en sens. En fait, tous les Rumbles que j'ai vus, franchement, il y avait 5, 6 ou 7 types, genre, enfin, toi, quand tu fais monter des commentateurs ou des vieux croûteux, enfin, c'est pas possible. Mais là, à l'inverse, ils auraient pu effectivement nous surprendre un peu plus sur le casting. Mais en même temps, ils avaient presque tous leur place. Enfin, c'était de la mid-card assez solide, toi, donc voilà. Et où tu vois que c'est compliqué, ouais, il y a quand même du monde. C'est hein. Là où tu vois le roster, enfin ils ont un sacré roster parce que c'est pas facile de mettre 30 mecs. Et ma note, bah oui, 4,5, ouais, allez, c'est très bien. Allez, 4,5, allez. Bon. Mais il est du coup de mon devoir de relever cette moyenne, c'est pas possible. Non, j'avais longtemps hésité à mettre un 5, mais non, ce serait très abusé. Non, mais moi j'avais noté 4,75, mais. Je pense que c'est largement enjolivé par le fait que je l'ai vu en live dans une sacrée... Enfin, pas en live, mais dans une sacrée ambiance. Mais bon, j'ai mis quand même 4,75 parce qu'on avait à peu près tout ce que j'ai envie de voir dans un pay-per-view, surtout dans un pay-per-view du Big Four, quoi. Une carte de malade, un stade gigantesque avec une foule en feu. Faut saluer quand même le public de San Antonio qui a été top. Et puis, y a eu plein de surprises, il y a eu des frissons, il y a eu vraiment des matchs de ouf. Donc je pense que j'aurais pu aller jusqu'à 5 si on avait eu les fameux entrants surprises au Rumble parce que c'est ce qui fait, vous l'avez dit plein de fois déjà, hein, mais c'est vrai que c'est ce qui fait un petit peu le sel du Rumble aussi parce que chaque année on attend le Rumble pour les entrants surprises quoi. C'est le petit truc imprévisible. Cette année on ne l'a pas eu, bon, la faute à y a peut-être pas eu d'opportunité qui faisait qu'ils ont trouvé personne c'est comme ça. Non, mais... ils n'avaient pas l'argent. Personne. Peut-être qu'ils n'avaient pas. Ils avaient personne qui était. Enfin, en tout cas, pas de programme pour des gens qui voulaient faire revenir dans le Rumble. Donc ouais, peut-être c'est des gens qui doivent arriver plus tard, quoi. Ouais, pas envie de Ouais. Mais le truc qui est. D'ailleurs, en me souvenant du Rumble en entier, il n'y a pas eu un seul moment où les commentateurs ont crié mince, c'est machin ou mince, c'est truc. En fait, c'est resté calme. Dillinger, éventuellement, mais. Ouais. Éventuellement. Voilà. Pour Ty Dillinger, parce qu'il fallait dire un petit peu, à la télé, il fallait dire un peu qui c'était et tout. Mais c'était pas. Sinon, AJ Styles! It's AJ Styles! Bah non, il n'y a pas eu de moment comme ça, quoi. C'est ce qui a manqué, moi, je trouve. Voilà. Il peut peut-être pas y en avoir tous les ans non plus. Des mecs, fais un truc comme AJ Styles. Non, mais d'habitude, c'est vrai que d'habitude, t'en as toujours un, même si c'est un truc, genre, complètement inoffensif, genre, tu sais, Big Daddy Cool Diesel ou DDP ou Rob Van Damme. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, oui, genre, mais... même une petite entrée comme ça qui Michael Hayes. Il y avait l'Undertaker. Moi, je me suis fait la réflexion exactement. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont spoilé l'arrivée de l'Undertaker? Ils auraient très bien pu ne rien nous dire. Bah oui, ouais. Oui, franchement, pour ce que ça a ajouté au build du Rumble, c'est-à-dire pas grand-chose, à part ça quelques téléportations, ouais, je pense que ça aurait pu être une belle surprise, même si, du coup, ça aurait peut-être mieux fait passer le fait qu'il était un peu complètement pourri, parce que... Ouais, je pense. Parce que, non mais c'est vrai que, parce que du coup, maintenant, comme on savait qu'il serait là et qu'il est de retour, patati patata, bah tu t'attends quand même à voir un peu autre chose que la vieille carcasse qu'il y a eu là, quoi, mais bon. Moi, quand j'ai vu Mark Henry, j'étais persuadé que Kane allait suivre. Et je me suis dit, putain, ma prémonition était vraie, Kane va gagner le Rumble. Bon, et puis, bon, bah, sinon, pour finir, mon top, il n'y a pas de surprise, hein. C'est le 16e titre de John Cena. J'étais aux anges, c'était, et puis même sur le match, c'était, je pense, un des plus beaux matchs. Enfin, là, je dis ça. Je ne vais pas dire le plus beau parce que je n'ai pas réfléchi à tous les matchs de Cena que j'ai vus, mais bon, je pense que c'était vraiment c'était exceptionnel. Et puis, bah, mon flop, moi, ça va être les Cruiserweight, même si ce n'est pas complètement de leur faute. Mais c'est un peu le raisonnement que j'ai souvent dans les flops au supplément SmackDown, c'est que quand tu as une opportunité, tu as 15 minutes sur une carte absolument exceptionnelle comme ça, dans une arène où tu n'as pas la chance de catcher là-bas quand même tous les 4 matins. Quand tu as 15 minutes et que tu sors un match comme ça... Ouais, je sais pas, c'est dommage. C'est pas leur faute, c'est le booking. Ouais, mais c'est pas leur faute. C'était pas le Marseille. C'était plutôt bon le match en soi. Ça allait. Je pense quand même que. Enfin, voilà, c'est pas de leur faute. Mais bon, en tout cas, je le donne au Cruiser, au booking des Cruiserweight. Quoi. Voilà, je le donne au booking des Cruiserweight à ce moment-là. Je pense que c'est les meilleures occasions pour faire une publicité de malade pour une division et c'est raté, quoi. Donc. C'est la faute à Vince. C'est encore une fois la faute à Vince. Sûrement Vince. Sûrement Vince. J'imagine. Il a dû dire faites un match bien pourri. Voilà, bien pourri. Comme ça, ce sera de la merde. Les gens vont se faire chier. Lui, il a passé une bonne soirée. Les gens, tu vois, ça va devenir un réflexe. Comment ils appellent ça Pavlovien. Les gens, ils voient les cordes violettes pourries. C'est vrai, c'est direct, ils peuvent sortir comme ça. Pas clap. Pas chiot. Non mais Vince, bon. Il a passé une bonne soirée, il y a eu des gros bonhommes contre des gros bonhommes à plein de moments. Ouais, il va être content. Avec plein d'huile. Bon, bah, ça fait 1h15 quasiment là, je vois. Je pense qu'il est temps de faire nos adieux pour cette émission exceptionnelle. Bon, bah, émission exceptionnelle pour un pay-per-view qui aura récolté une fantastique moyenne. Donc, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à le regarder, à l'analyser. Vous pouvez... Bah, nous retrouver comme toujours. Alors là, je parle sous le contrôle hein, des présentateurs habituels. Vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, sur YouTube, les deux, et sur iTunes aussi. Oui, sur iTunes. Hein, ouais. Ouais. Et puis, mais aussi, vous pouvez venir nous voir sur le forum des Cahiers du Catch, sur notre page Facebook, pour bah, nous lâcher des commentaires, des conseils, même juste des coucous, on sera content. Abonnez-vous au flux PodCloud, à la chaîne YouTube, et puis bah, continuez de nous suivre de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. On approche petit à petit à WrestleMania, ça fera bientôt un an, c'est quand même quelque chose. Donc bah, voilà, merci à tous, merci à tous mes amis chroniqueurs. Hein, donc Yerem, merci à toi. Merci Giscard. Ouais. on se retrouve pour le supplément dans 2 jours. Merci ouais. À Hank, le patron qui t'arrive en retard. Mais... c'est le patron. Merci. Qui est venu. J'ai pu caser tout ce que je voulais. Merci beaucoup. C'est superbe. Merci, merci à Raphaël et son image figée chez moi toujours. J'espère qu'elle ne sera pas figée chez les autres. Non, je bouge. Merci Giscard pour ta présentation. Et bah merci Ringside d'avoir fait cette 2e journée de sobriété pour nous, pour faire ce podcast. C'est ça. Non, merci les gars, c'était super. Et merci à l'amiral Armbar qui nous a animé la soirée du Rumble hier soir. C'est très cool de voir ça avec vous. Et puis ben, bon row à tout le monde, hein, parce qu'on a hâte de voir ce qui se passe et les retombées et de ce oui. Rumble. Oui, la Road to WrestleMania a commencé officiellement, c'est parti. Donc, bah, Catch Up vous accompagnera pendant toute cette road. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Ciao. Rapproche-toi du micro. Oh oui.